Donc, bonjour à tous. Quand on m'a demandé d'intervenir, j'ai réfléchi à ce que je pouvais bien apporter au vu de toutes les conférences qui étaient données. Je me suis dit, finalement, moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi mettre à disposition des archives sonores, comment le faire, comment ils ne sortent, non pas d'un point de vue technique, mais comment le faire pour que les gens puissent écouter. Parce que c'est un souci quand même quand on travaille sur les archives sonores, et on y reviendra sans doute, c'est qu'en fait, c'est un coût gigantesque de travailler et traiter des archives sonores, et par contre, on a très très peu de personnes qui viennent et qui s'intéressent aux archives et qui viennent écouter. On ne viendra pas, mais le son, c'est de l'information continue. Donc pour traiter du son, il faut passer autant de temps que le temps passe. Donc si j'ai une heure d'enquête, je vais devoir écouter une heure pour savoir de quoi il s'agit. Et en plus, passer du temps aussi à l'indexer, à l'organiser, à la contextualiser. Donc ce temps-là, comment, pourquoi mettre à disposition ces documents et comment le faire, c'était finalement quelque chose qui m'intéressait. Faire un point. J'espère que ça vous intéresse aussi. Ah oui. Voilà. Donc je voulais quand même présenter la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme. Donc c'est un campus de recherche où il y a 10 laboratoires qui sont installés, 2 unités d'enseignement. Donc 10 laboratoires, une partie, ce sont l'archéologie de la préhistoire au Moyen-Âge. Et puis pour l'enseignement, c'est l'anthropologie au niveau classique. Pour les laboratoires donc, qui sont susceptibles d'utiliser la source orale, sont des laboratoires vraiment multiples, sociologie, histoire, très peu de linguistique par contre, enfin, ils sont partis à la retraite. Sciences politiques, voilà, c'est très très vaste. Et évidemment, l'aire commune, c'est la Méditerranée. Donc la phonothèque, c'est aujourd'hui, de façon, on va dire, j'évalue, hein, parce que j'ai des dépôts constamment, comme je signale, donc j'ai 200 à 300 heures d'archives sonores et audiovisuelles qui sont issues du terrain et qui sont déposées chaque année. Je retrouve d'ailleurs parfois, puisque quand je suis arrivée à la phonothèque en 1996, il y avait des étagères partout, des boîtes, des archives, c'est très difficile d'écouter une archive sonore sans la passer par les différentes sources. Donc de toute façon, j'ai encore découvert là jusqu'en décembre une série de cassettes qui sont très intéressantes, qui ont été enregistrées par un anthropologue qui est aujourd'hui à la retraite, Ravis Jordani, sur la vie quotidienne à Gardanne dans les années 70. Et donc, justement, toute l'histoire politique aussi autour de cette ville qui est toujours communiste, le rapport de la mine et de la vie dans la ville de Gardanne et les différents petits villages avoisinants. J'ai juste numérisé, justement, là, pour le coup, j'ai pas tout écouté, parce qu'on ne peut pas tout faire et tout le temps en même temps, mais c'est vraiment aussi des archives, tout d'un coup, qui prennent... On va y revenir sur ces notions de comment ce document devient patrimonial. Justement, on sent tout de suite dans le son des choses qui se passent. Alors, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti tout de suite en écoutant ces enquêtes qui sont très structurées par l'anthropologue. Et je trouve ça toujours étonnant de rentrer dans un monde tout à coup qu'on découvre brutalement. Donc... 4000 heures sont numérisées, on a encore des choses à numériser, mais c'est vrai que là, on arrive à tenir la route sur le dépôt et la numérisation. La radiodiffusion, évidemment, les chercheurs, quand ils déposent aussi souvent des enquêtes, des émissions radiophoniques dans lesquelles ils ont travaillé ou qu'ils ont utilisé dans leur corpus. Mais vous savez que depuis 1993, c'est Nina qui a le dépôt légal de la radiodiffusion, donc on ne peut absolument rien faire de ces archives. On a même décidé de ne plus les numériser, puisque de toute façon, c'est Nina qui a tous les droits sur les émissions radiophoniques. Donc on les signale, par contre, dans la base de données, parce qu'on travaille beaucoup sur le contexte, et donc on considère que c'est effectivement une information intéressante pour comprendre quelles sont les émissions dans lesquelles le chercheur a travaillé ou avec lesquelles il a travaillé, mais finalement, on ne travaille pas du tout sur l'indexation de ces archives. Et puis, on essaie le plus possible de mettre à disposition, on y reviendra, ces enquêtes orales, Mais bon, là, il y a des questions de juridique et éthique qui se posent, et donc environ 1000 heures ont été mises en ligne qui sont sans problème juridique. Alors, voilà, pourquoi est-ce que des archives sonores sont déposées dans une institution ? La phonothèque de la MMSH, elle a été créée à la fin des années 70, donc ça, c'est souvent dans cette... histoire-là du revivalisme en France, ce qu'on appelait aussi mouvement folk, beaucoup d'associations aussi ont été créées et qui ont collecté, archivé les documents sonores sur le terrain. Donc là, ce sont des chercheurs en sciences humaines et sociales, en fait deux disciplines, plutôt un historien moderniste d'ailleurs, donc là, il travaillait sur la représentation de l'histoire, il travaillait sur l'histoire des Cévennes, les guerres de religion, donc la représentation de l'histoire des religions en Cévennes, donc un historien moderniste et un ethno-dialectologue. Jean-Claude Bouvier, d'ailleurs l'auteur de peut-être, je ne sais pas si c'est un terme qui est encore utilisé en Italie, et là récemment des linguistes, je crois qu'ils sont plutôt du domaine d'anthropologie, enfin des Brésiliens, des chercheurs brésiliens qui m'ont interrogé là-dessus sur l'ethnotexte. Je ne sais pas si ça, c'est quelque chose qui a. C'est un terme qu'ils ont inventé à l'époque, donc. Sur la transcription en fait du document oral. Donc Jean-Claude Bouvier, qui a fondé cette phonothèque, a aussi créé ce terme de l'ethnotexte et qui a eu sa petite histoire, mais qui n'est plus du tout utilisée en fait. À l'époque, j'avais l'impression d'avoir un terme qui avait enfin nommé ces documents sonores, genre transcription, mais bon, ça fait. Et donc ces deux chercheurs ont créé cette phonothèque avec l'idée donc de conserver la source qui documentait la recherche. L'enquête de terrain enregistrée. On va dire qu'en fait, c'est toujours le même objectif, conserver l'enquête de terrain enregistrée, avec cette idée qu'avaient déjà Philippe Joutard et Jean-Claude Bouvier, de la reconnaissance par les pairs de la valeur du travail qui avait été réalisé par cet enregistrement. En fait, ce qu'ils notaient, c'était que, alors que dans les thèses de troisième cycle qui étaient soutenues à l'époque, on vérifiait avec précision toute la bibliographie, les séries d'archives chez les historiens, les séries d'archives qui avaient été consultées. Tous les chercheurs qui travaillaient à partir d'entretiens, ben voilà, la transcription était suffisante. Et en plus, quelle transcription, suivant s'il était. Jean-Claude Bouvier, que j'avais vu en cours à l'époque, c'est transcription phonétique, alors que du côté de Joutard, c'était au contraire des transcriptions qui devaient aussi transmettre d'autres choses que l'accent et les aspects régionalistes qui étaient développés chez les linguistes. Bref, c'était deux types de transcriptions complètement différentes. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous travaillez à partir de transcriptions dans le programme que vous avez sur le document sonore, mais la transcription, elle est toujours différente suivant qui l'a fait et quelle est la discipline qui l'a demandé. Bref, donc, permettre cette écoute, qui était une validation finalement, l'administration de la preuve, c'était leur objectif. Dans cette question de dépôt, et c'est encore quelque chose qui, malgré tout, on en parle beaucoup, l'administration de la preuve, mais finalement on n'a pas grand chose de mise en œuvre sur les archives sonores, un peu plus sur l'audiovisuel où on voit des thèses qui sont soutenues avec des films peut-être, enfin, je ne sais pas si vous en avez l'expérience là-dessus, mais en tout cas sur la source orale, enfin, les linguistes, je ne sais pas si on vous demande d'écouter les enregistrements, mais d'avoir un dépôt. Il y a des extraits en le dépôt, je pense que ça commence à se faire, mais c'est pas une obligation, ça doit dépendre aussi des types de thèses. Je sais que j'ai déjà vu moi des thèses avec des CD-ROM et les enregistrements, mais par exemple ma thèse dans le dépôt légal, il n'y a pas les enregistrements sonores. Après moi je les ai fournis aux membres de mon jury, etc., mais c'est pas encore une obligation. C'est pas une obligation, mais quand même là, mais ça vient dans ta démarche, toi tu as quand même fourni les enregistrements au jury. Par exemple, ils ont pu écouter, ce qui n'est pas du tout le cas en général en anthropologie, où on ne demande pas d'écouter les entretiens qui ont été réalisés. Enfin, je peux chercher. Mais donc voilà, en anthropologie, ni en histoire, on demande d'écouter. Bon, linguistique, ça paraît quand même évident qu'il fallait quand même qu'on puisse quand même écouter. Surtout si on travaille sur. Et après, sur les mêmes maintenant, de plus en plus, il y a des aspects audiovisuels, je parlais déjà au repas de ça. De plus en plus de transcriptions qu'on appelle multimodales, où on va faire aussi les gestes. Je pense que c'est vrai que s'il n'y a pas de corpus vidéo à disposition, c'est. Mais même encore, enfin, quoi qu'il en soit, l'évaluation, elle se fait sur les transcriptions. Sur la transcription, voilà. Donc là, c'est vrai que ça reste quand même quelque chose encore à penser. Donc ils étaient effectivement assez novateurs dans cette idée-là. L'idée aussi qu'ils avaient, c'était le recoupement de ces archives possibles avec d'autres archives ou des observations ultérieures, des retours sur le terrain, des revisites. Bon, là encore, on peut dire que c'était novateur comme idée, mais qu'en fait, on a peu d'expérience là-dessus, encore de réutilisation d'archives. J'en ai quelques-unes dont on pourra les évoquer, mais c'est vrai que c'est encore quelque chose qui ne se fait pas, et je pense que ça ne se fait pas parce qu'aussi, on a du mal encore à accéder à ces corpus, justement parce que, bon, on verra peut-être pourquoi, et peut-être que vous m'apporterez aussi. J'espère que ce sera une interaction avec vous pour travailler sur ces questions-là qui sont toujours peut-être en suspens. En tout cas, il y a une nouvelle responsabilité qui est arrivée depuis quelques années dans les centres d'archives sonores. C'est le retour vers la société civile aussi, la gestion de l'héritage culturel de ces archives, donc qui a été très très liée avec la convention de l'UNESCO. Elle a ratifié par de nombreux pays aujourd'hui. Et donc, ce patrimoine culturel immatériel, c'est des choses pour lesquelles, finalement, la société civile est extrêmement sensible et demande un retour sur ces archives, peut-être plus important que ce que nous demandent les chercheurs, finalement, à la MSH, qui sont quand même peu nombreux à réutiliser ces archives sonores. Tout de même, s'ils sont peu nombreux à les réutiliser, on peut noter qu'il y a un effet incitatif des dépôts qui s'est créé. Sans doute grâce, enfin moi je l'analyse à travers la mise en place de la politique d'accueil des archives sonores qui a été mise en place à la phonothèque et qui était liée à une réflexion méthodologique en proposant un dispositif complet de la collecte à la valorisation, et ça rassure beaucoup les chercheurs qui se sentent dans un cadre organisé qui les respecte et qui respecte aussi les personnes qui ont été enregistrées. Ils ne sont pas du tout posés toujours toutes les questions, mais du coup ça les intéresse, et souvent plus d'une fois on est venu les poser en disant oui machin a déposé donc moi je les pose parce que je sais que voilà ça s'est bien passé, ça c'est les cadres correspondent au travail scientifique qui a été mené. Donc ça c'est intéressant parce que effectivement chaque année on a des dépôts réguliers. Et je crois que ça, c'est au moins... Parce que qui dépose, quoi? Et quelle est la réalité de la masse critique qu'on propose comme archive sonore? Puisque finalement, on ne pourra jamais être comme une bibliothèque exhaustive sur un domaine en achetant toutes les publications sur telle... Comme le fait, par exemple, la bibliothèque de la médiathèque à la MMSH, fait l'acquisition de tous les livres en langue arabe sur les sciences du domaine des sciences humaines et sociales. C'est une exhaustivité forte qui fait qu'on va se rendre à cette bibliothèque parce qu'on sait ce qu'on va y trouver. Mais pour mes archives sonores, qu'est-ce qu'on va y trouver? On va y trouver ce que les chercheurs auront bien voulu y déposer. Donc mon exhaustivité, elle n'est liée qu'à ces dépôts qui vont pouvoir être, qui vont être faits, et à l'effet incitatif aussi que ces dépôts vont pouvoir comme ça continuer à engranger, être engrangés. Alors, ces dépôts, moi, je relis aussi l'augmentation... Alors, étrangement, on pourrait penser que les historiens, d'ailleurs, c'était plutôt des historiens, le laboratoire d'histoire qui avait créé la phonothèque, on pourrait se dire qu'ils sont sensibles à leurs sources et ils vont déposer leurs sources orales. En France, on ne va pas développer la question... Et l'histoire orale a vraiment connu des aléas difficiles, une reconnaissance ni faite ni à faire, en fait, qui est un peu compliquée, qui aujourd'hui se banalise parce que le chercheur de terrain aujourd'hui utilise plusieurs sources. Mais c'est vrai que j'ai plus d'anthropologues et de sociologues qui déposent que d'historiens. Bon, il faudrait brosser un tableau un peu plus précis parce que, en plus, les ethnologues, ils ont toujours un peu tendance à décider si un tel est ethnologue, un tel n'est pas ethnologue, ça dépend des écoles, machin. C'est pas si simple, ça aussi, de dire j'ai des dépôts d'ethnologue. Mais en tout cas, du laboratoire d'anthropologie lié à la MMSH, c'est là où j'ai quand même le plus de dépôts. Mais c'est vrai qu'il y a un intérêt récent des ethnologues, il y a eu beaucoup de publications là-dessus récemment, pour leurs archives. Bon, c'est vrai aussi que mes dépôts sont souvent liés à des départs à la retraite, ou même malheureusement j'ai eu deux dépôts liés à des maladies d'aidologues qui déposent sachant que leur vie ils savent qu'ils n'ont, ils ont peu de temps encore pour gérer l'histoire de leur école, de leur méthode, de leur terrain, et donc ils déposent à la phonothèque de façon très très volontaire, et ça à deux reprises, donc c'est ce qui nous a permis aussi d'avoir des corpus importants à la phonothèque. Donc c'est aussi ce désir d'archive, de patrimonialisation, de mémoire qui est dans l'air du temps, où on va photographier, enregistrer, me faire un montage, me découper en montage sonore. C'est vrai qu'aujourd'hui il y a quand même cette volonté d'archiver constamment et tout. Et donc évidemment, quand on a aussi une histoire à développer, bien sûr qu'on a envie aussi d'être archivé. Ce goût de l'archive, il est assez important. C'est vrai qu'aussi, les chercheurs qui déposent, ils sont très sensibles à l'évolution de la discipline, des objets de recherche. Donc quand ils déposent, ils me disent « oui, c'est important parce que ça permet de comprendre telle chose ». Et ça, c'est d'ailleurs très important, on y reviendra quand même, la contextualisation de ces archives, elle est essentielle, parce qu'on a besoin de comprendre dans quel cadre tout ça a été fait. Et puis, il y a des fermetures de terrain, la mondialisation qui est là aussi, et qui fait que, ce sont aussi des documents, comme on disait, qui tout d'un coup prennent une force patrimoniale extrêmement importante. D'ailleurs, là, je voulais vous faire écouter... Alors, justement, je voulais vous faire écouter un enregistrement qui vient de... du Yémen. Ah, mais est-ce que je suis court, je cherchais ma... مسلمين يا عباد الله انا عطش ذمتك يا الحبيب لو قلت لي ما بش ذمتك يا الحبيب لو قلت لي ما بش اه ما شفتيه بقى عود عود يا مسلمين يا عباد الله انا عطش ذمتك يا الحبيب لو قلت لي ما بش ذمتك يا الحبيب لو قلت لي ما بش يا مسلمين يا عباد الله من الهين يا مسلمين يا عباد الله من الهيم وانا الذي تحت جبال الملك نايم انا الذي تحت جبال الملك نايم Et donc il a failli sur les Touaregs, et donc là ça a vraiment été un dépôt important, parce qu'il a donné en cascade ensuite des tas d'autres dépôts sur cette aire géographique. La poésie, principalement la poésie, la littérature orale touareg, mais donc dans les années 80, dans le sud du Sahara, c'était plus possible de travailler pour des raisons politiques. Donc lui, Hélène Clodeau Awad aussi, qui travaillait sur les touaregs, qui était l'élève donc, de Marceau Gast, qui a fait cette enquête, ont dû trouver d'autres terrains. Donc Marceau Gast est parti au Yémen, où là... cet extrait d'enregistrement. Je voulais vous faire écouter comme ça les extraits. Ça n'a pas toujours du sens, mais ça donne... c'est pas vraiment non plus une illustration, c'est juste une plongée comme ça sur des petits moments, des corpus. Mais donc, Hélène Clodeau, elle, qui est spécialisée Touareg, qui est revenue d'ailleurs sur le terrain Touareg maintenant, et qui, nouveau terrain qui va être à nouveau fermé, parce qu'il y a à nouveau des problèmes... qui se pose en Mauritanie et sur les endroits où elle travaille. Donc elle a travaillé sur la lutherie à Mirecourt. Et donc on a un énorme corpus maintenant aussi sur la lutherie à Mirecourt, de photographies et d'archives sonores, parce que voilà, elle était de famille de luthier, elle ne pouvait plus travailler au Sahara, elle est quand même intéressée par la musique et elle a fait ce travail-là. Donc à la phonothèque, ça n'est pas la Méditerranée, mais on a un corpus sur Mirecourt qui est en plus un gros retour. Donc c'est un travail de valorisation avec le musée de Mirecourt sur la lutherie, donc c'est assez intéressant. Et puis Marceau Gast, lui, il a travaillé sur le Yémen, pendant 10 ans. Et là, on a une collection importante aussi et très régulière d'un indologue qui part au Yémen. Alors avec un accent, c'est très étonnant. Donc évidemment, chaque fois, on recherche une locuteur naturel pour traiter ses ponts, puisque c'est un yéménite. Donc et la personne au départ qui le traitait se disait, mais c'est pas possible, celui qui parle, il a un accent maghrébin super important. Parce que donc, Marsogas fait partie de ces indologues qui sont décédés au moment où ils ont déposé leurs archives. Et puis, donc on ne savait pas non plus, on a dû reconstituer tout le contexte de l'archive. Et donc voilà, des Touaregs au Yémen, mais du coup aussi un lien avec tous les chercheurs qui ont travaillé sur le sud du Sahara, et donc des dépôts importants sur cette archive qui finalement est difficile aussi à traiter parce qu'on a du mal à trouver des gens qui parlent le tamachèque et l'arabe, donc évidemment chaque fois à retrouver ces locuteurs naturels, mais qui nous permettent, nous, de créer de nouvelles sources parce qu'elles deviennent de véritables corpus sur le Sahara et donc atteindre aussi ces masses critiques intéressantes qui permettent finalement de travailler sur ces archives, parce qu'une archive isolée, c'est jamais tellement pertinent pour un chercheur qui veut réutiliser des sources comme ça. Et donc le lien que je vous mets sur la revue Africaniste, c'est un article de Marie-Dominique Mouton qui donc aujourd'hui est quelqu'un qui a écrit le plus sur ces questions de réutilisation des archives des ethnologues, en particulier sur l'idée de passion et d'appropriation de ces archives, qui ne sont pas des notions simples. À quel moment les gens déposent, pourquoi ils vont déposer des sources auxquelles ils sont souvent extrêmement attachés de façon affective, et qui, à quel moment ils s'en détachent pour permettre aux autres de l'écouter, ça c'est aussi, c'est pas très facile de le savoir. Donc l'intérêt des ethnologues, mais aussi l'intérêt des populations, j'en parlais, pour leurs archives aussi. Donc les communautés qui ont été enregistrées sur le terrain, elles souhaitent de plus en plus retrouver ces documents qui comptent pour eux, pour leur histoire, leur vie culturelle, et puis restituent des traditions oubliées. Ah, il vient de la rapide, il y a un pire qui est pirate, il y a un pire. À quoi tu l'as dit? Des granules, de la pile, des canards, et à quoi tu t'en es là, donc? Ça se ferme, pas fermé, barado, pas barado, mais il y a un tout du lit, des cagalavres, des champignons. Et mais il y a un comme quoi, un qui est de rapide. Elle ne se dit pas quoi. Bon, donc là, c'est un extrait en occitan d'un pêcheur de Sainte-Marie-de-la-Mer, je crois, donc années 70. Et donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'était une autre vie. Je vous ai mis cet extrait, parce que, je ne sais pas, je trouve qu'il y a une voix prenante. Il dit, une autre vie, c'était une autre vie. Et c'est tout le temps comme ça, quand on écoute ces traditions qui sont... Donc là, il raconte qu'il vivait de rapine, hein, de petits vols, mais c'est en fait... De la chasse, de la pêche, de la cueillette, hein, c'est de ce dont ils se nourrissaient, d'escargots, des cacalars, voilà. Et donc l'idée, c'est aussi ça, c'est très rapide la façon dont ces sociétés qui ont évolué, donc on parlait de la mondialisation, tout d'un coup vont retrouver dans ces archives des éléments qui vont leur permettre de construire une identité, et puis ils demandent que ce retour puisse être fait. Donc on travaille aussi pas mal sur ça à la Phonothèque, ce qui suscite également des dépôts, c'est-à-dire que quand les associations locales se rendent compte qu'ils peuvent accéder, on leur donne des copies et le traitement des données, parce que ce qu'on souhaite, c'est que toujours, on y reviendra sur le traitement, le contexte de l'enquête et leur source, la source scientifique soit toujours si accessible et citée. Et donc du coup, ils nous déposent aussi des archives qui sont aussi traité dans le même cadre et qui permet finalement d'arriver à créer donc de nouvelles sources sur une thématique. Alors par contre, ce qu'on perçoit aussi, c'est l'inquiétude des chercheurs. Donc là, j'ai plus tellement mis ethnologue parce que je pense que c'est l'ensemble des chercheurs en sciences humaines et sociales pour la consultation de leurs archives. Parce que quand toutes ces sociétés étudiées, donc qui ont évolué brutalement, on va dire, avec, vous savez bien, la société moderne et la mondialisation, comment ça a pu fonctionner, la perte de ces informations fait que le chercheur se retrouve lui-même en position d'informateur. Et sur des traditions qu'il avait, qui étaient vivantes et qui évoluaient avec le monde au moment de leur collecte. Donc c'est un petit peu compliqué parce que ces archives, c'est pas celle d'une société étudiée, mais c'est surtout le projet d'une rencontre et un projet scientifique. Donc comment ces matériaux de terrain vont être consultés, interprétés par les communautés où ils ont été produits? C'est important pour eux parce que ils ont un peu la trouille parfois aussi de ces réutilisations, et plutôt qu'un patrimoine à restituer, on va dire qu'ils le verraient plutôt comme des objets de recherche qui peuvent être réutilisés, et finalement des informations qui peuvent être partagées. Donc là, le lien vers lequel je vous renvoie est celui d'un article d'Éric Joly, vous connaissez peut-être. Et qui a pas mal travaillé donc sur les restitutions qui ont été faites des archives de Griol sur les Dogons. Parce que je ne sais pas si vous avez vu ça, mais les Dogons ont appris par cœur les ouvrages de Griol et les ressorts. Enfin, voilà, je caricature un peu. En plus, je suis en rouge. Mais disons. Non, mais l'idée, c'est ça, finalement. Hein, c'est que aux touristes, le Dogon restitue ce que Griol avait engrangé, les fiches qu'il avait faites, les façons dont il voyait les dieux, etc. Et donc, voilà, ça pose un problème, parce que c'est quand même important que ces sources, on les lise avec le contexte, et le contexte de Griol à l'époque où il a fait ses enquêtes. Donc voilà. Et donc là, je vous fais écouter un extrait qui n'est pas très exotique, puisqu'il est marseillais. Enfin, vous avez raconté en 4 quarts d'heure qu'au départ, on était venu chez vous pour votre mari, chercher quelqu'un, non? Il n'y avait pas une histoire comme ça? Une histoire très, très freudienne entre nous. Heureusement qu'on s'entendait bien, vous savez. Parce que nous étions donc au Parti Socialiste tous les deux. C'est moi qui avais une action politique dans le quartier. Et puis, il y a eu les dernières élections, Gaston de Fer. Et Yamar Apuzzi voulait un remplaçant. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle l'a proposé à mon mari, alors que lui faisait rien du tout dans le quartier. Il a dit tout de suite, mais Irma, c'est pas moi, c'est Simone qui est qui fait l'action politique. Et Irma a répondu, oh là là, mais il y a déjà 2 femmes sur la liste. Il y a Eliane Perasso et moi. Après, ça ferait trop de femmes. C'est pour ça que je te demande à toi. Alors mon mari est venu me voir, il m'a dit, écoute, il était génial, le pauvre. Il m'a dit, voilà ce qu'il m'a dit en Marapuzzi ce matin, il m'a proposé cette place, je sais que c'est toi qui devrais y être, qu'est-ce que je fais, j'accepte ou pas? Je lui ai dit, bon, bah, écoute, si tu la refuses, on ne me la proposera pas à moi. Alors accepte et je t'aiderai. Et c'est lui qui est devenu, il était au départ conseiller municipal suppléant sur la liste d'Irma. Et comme il était suppléant de M. Bardini, qui est mort en cours de route, il est devenu conseiller municipal. Et moi, ben voilà, je faisais la petite main derrière. Alors que c'était moi l'action politique. Ah oui. Bon, après, elle a été municipale aussi. Mais bon, je vais m'en faire écouter comme ça un extrait pour plus de côté de l'histoire, puisque c'est une historienne, Yvonne de la femme, Yvonne Miller, qui fait cet enregistrement. Sur les femmes et la politique à Marseille. Et voilà, c'est typiquement aussi ce type d'archives qu'on peut n'écouter qu'avec le contexte de la recherche et la publication qui a été, les publications et les analyses qui ont été faites par Yvonne Knibler, parce que voilà, de toute façon, les questions auraient pu être multiples auprès d'Yvonne Galix sur la vie à Marseille. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, enfin, et ça, c'est, ça n'a plus rien à, peut-être, c'est autre chose, mais sur la base de données, le mari d'Yvonne Galix a retrouvé la notice documentaire qui évoquait sa femme, et donc il est venu à la pédothèque pour en avoir une copie, puisqu'elle était décédée, et nous a donné tous les droits de diffusion de l'entretien d'Yvonne Galix. Au passage d'ailleurs, ce que je peux diffuser, c'est aussi ce pour lequel j'ai les droits de diffusion. Donc vous voyez que ça limite aussi à la fois le dépôt, les droits de diffusion. Vous voyez que tout ça, ça oriente quand même aussi ce qu'on écoute. Mais c'est intéressant aussi de dire ça parce que effectivement, plus les notices documentaires vont être exposées, plus on a de retour sur les informateurs et donc plus on peut aussi diffuser ces enquêtes. Voilà. Parce que, excusez-moi, parce que tous ces chercheurs ne demandent pas la concession des droits. Voilà, donc on va en reparler. Voilà. Mais ça, disons qu'auparavant, c'était celui qui était au centre, c'était le chercheur. Ouais. Et là, on voit qu'il y a un basculement et celui qui revient au centre, c'est l'informateur. Ouais. Donc un intérêt aussi des professionnels de l'information pour les matériaux de terrain. J'essayais de me demander, mais en fait il n'existe pas d'institution où les chercheurs pouvaient déposer leurs archives. Peut-être qu'en linguistique il existait un lieu où les chercheurs déposaient en particulier, je ne sais pas si la CITO ça leur semblait, mais à mon avis c'est assez disparate, hein, même aussi en linguistique où pourtant ce corpus était quand même assez central. Il y a eu l'IMEC qui a été créé, hein, en 1988, donc c'est vrai que les chercheurs ils pourraient aller aussi dans l'IMEC, hein, puisque c'est l'Institut de mémoire d'édition contemporaine. Donc c'est les fonds d'archives qui sont consacrés, donc c'est les maisons d'édition, les revues, mais aussi les créateurs. Donc on pourrait aussi se dire que mais bon, le problème de l'IMEC, c'est que c'est privé et qu'ensuite, une fois déposé, on tombe dans un domaine privé où l'accès devient payant. Donc, est-ce que les archives du chercheur public doivent aller là? Ça ne me paraît pas du tout. Mais c'est la seule institution créée sur les archives, pardon. L'IMEC, c'est pas payant. Ah, si. C'est selon les droits de cession, éditeurs et déposants. Oui. Les archives qui sont gratuites à l'IMEC. Oui, ça dépend quand même ce qui a été produit comme travail à l'IMEC, quoi. Ouais, tout ça, c'est pas super clair. Ouais, mais c'est vrai. C'est surtout une institution culturelle, donc c'est pas fait que pour les gens de la culture. En plus, ouais, d'accord. Donc les chercheurs, on ne dépose pas leur projet. Il y a certains chercheurs qui l'ont déposé. C'est pour ça que je pensais à l'IMEC au moment de cette institution. Mais à part cet institut, rien n'a été créé pour que les archives puissent être, de la recherche puisse être déposée. Pour les archives orales, je signalais ce rapport de 2003. De Élise Feller et je ne sais plus le nom de Cribier, Françoise Cribier, de sociologue, c'est un rapport qui est en ligne, qui change souvent d'URL. Donc là, je vous ai mis la dernière URL, c'est impressionnant. C'était un projet de conservation des données qualitatives des sciences sociales recueillies en France auprès de la société civile. Donc c'était un projet en 2003, déjà, qui s'inquiétait de la disparition. Des archives sonores qui avaient été constituées en France. Alors ce qui est intéressant, c'est que par exemple, elle signale au moins deux corpus qui avaient disparu. Le corpus de Plovezet, qui aujourd'hui fait l'effet je ne sais pas si c'est une NR, mais enfin, en tout cas, ils ont un carnet sur hypothèse et un gros programme qui était lié à Denise d'ailleurs à un moment donné. C'était financé par lui. Ouais. Et donc tout d'un coup, les archives ont ressurgi après ce rapport. Et les archives de l'Aubrac, là encore c'était des actions concertées du CNRS, hein, Clovezet et l'Aubrac, et donc là encore le fond sonore au moins a ressurgi et est actuellement traité, et donc c'est vrai qu'elle faisait des collections, des tas de publications, donc celle de Clovezet en particulier c'était impressionnant, c'est que toutes ces publications avaient été faites s'appuyant sur des entretiens, mais aucun entretien n'était disponible. C'est la même chose avec Lino, qui était une action concertée aussi avec Françoise Zonaben. Et là encore, c'est un corpus qui a été repéré maintenant, qui est à Dijon. Et ce sont des ouvrages classiques en anthropologie qui sont importants, mais pour lesquels on n'accède pas aux sources, ce qui n'est pas le cas pour, en général pour d'autres publications scientifiques. Alors, bon, je me disais, d'ailleurs, comment est-ce qu'on va définir... un enregistrement sonore inédit. Je ne sais pas quelle définition vous donneriez, vous, de ces documents qu'on archive. Qu'est-ce qui vous viendrait comme... Pardon ? Parce que c'est ce sur quoi je travaille. Donc, un document sonore inédit, un entretien de terrain, comment est-ce que je définis ? Comment je sais que c'en est un ? J'ai besoin d'avoir une définition, donc j'ai essayé de la donner, je ne sais pas si je vais en proposer une, hein, mais vous, qu'est-ce que vous proposeriez comme définition? Parce que je pense que suivant d'où on vient, on n'est pas toujours dans le même... Qu'est-ce que c'est pour vous? Comment vous définiriez, quoi? Ça fait l'objet d'une diffusion, c'est peut-être le fond. Oui, déjà, il y a cette idée de diffusion, je pense, qui est importante, c'est des documents uniques. Je pense que ça, on en est tous d'accord, ce sont des documents uniques... ce qui n'est pas toujours le cas d'ailleurs dans nos documents d'archives. Hein, parce que, donc, c'est pour ça qu'au départ, je voulais dire, est-ce que c'est archives sonores, mais finalement, ce sont des documents uniques. Sur quoi on travaille en fait sur, qu'est-ce que c'est qu'il est. C'est une rencontre. Qui est lié à une démarche scientifique, oui, effectivement. Mais ça dépend, parce que ça peut être aussi. Voilà, c'est ça. Ça peut. Mais ça, moi, je trouve que dans la définition, c'est peut-être pas ce qui doit être mis, puisque c'est. C'est contextualisé, en tout cas, ça a lieu quelque part, à un moment donné, dans. En tout cas, ces informations-là, moi, il m'a semblé que dans la définition, ce qui était important, c'est de se dire d'où venaient ces informations, puisque c'est des documents uniques. Mais je sais pas, hein, moi la définition que je propose, je vous la mets. Alors j'aime bien cette photo, il y a peu de photographies disponibles sur les collectes, donc c'est un chercheur, je sais plus où, dans le Wyoming, j'ai mis les références à mettre dans Flickr Commons, que vous le trouvez, je le trouve très acteur avec son micro prêt à bondir. Et je cherche toujours des photos de collectes, donc moi je dis oui, il s'agit d'un document unique qui n'est copié, qui n'est jamais copié dans un but commercial, hein, donc. Et qu'il n'y a pas de standard aussi, puisque voilà, là vous allez enregistrer encore avec. Vous enregistrez en WAV, là. Mm-hmm. Voilà, vous auriez pu enregistrer dans votre format. Mm-hmm. Aujourd'hui, on est quand même plus stable sur nos formats, mais quand moi j'ai mes bandes multipistes qui passaient avec des chercheurs qui passent de 4,75 à 9 à toutes ces vitesses suivant, si vous voulez occuper plus ou moins de bandes, c'est toujours compliqué. Ouais, donc il n'y a pas de standard. Les supports sont variés. Même sur numérique, ça devient. Il y a même des supports qui ont disparu. Hein, il y avait cassettes Philips, DCC qui ont disparu. Donc là encore, il me semble que c'est l'histoire du support est importante, même s'il est dématérialisé. Est-ce que là vous avez un support? Vous avez un support sur la clé? Vous avez un support sur la carte flash? Mais bon, ça devient un peu compliqué aussi. Et surtout que les éléments d'information, ce sont ceux de celui qui a fait l'enregistrement. En fait, on est les seules informations qu'on a, c'est bien celles, quand je retrouve mon enquête de Ravis Jordan, les seules informations que j'ai, avant que j'aille le collecter pour savoir, et ça arrive souvent, c'est ce qu'on fait pour avoir des informations sur le corpus, c'est enregistrer un entretien avec le collecteur, si c'est encore possible, pour avoir le plus d'informations possible sur la façon dont le corpus a été constitué, mais c'est nous qui devons reconstruire tout ce contexte. Et donc, les seules informations qu'on a, ce sont les trois notes écrites sur le boîtier de la cassette ou de la bande parfois. Et où, aujourd'hui, pire encore, le nommage des fichiers. Parce que quand Christian Monverger, la dernière fois qu'il m'envoyait en mail ses dernières enquêtes, alors là, carrément, je n'ai plus rien, quoi. Je n'ai qu'un mail avec vaguement un nom de fichier qui correspond à quoi. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est compliqué, c'est comment on va reconstituer toute cette information qui est extrêmement importante pour pouvoir contextualiser l'entretien. Donc, voilà. Donc, ce que je voulais évoquer avec vous, même, c'est justement, après avoir défini le document sur lequel essayé de définir, c'était ce dispositif qu'on a mis en œuvre à la phonothèque pour les archives sonores. Donc, la question juridique et éthique est extrêmement importante. Et qui, j'en reparlerai, est lié aussi à un projet que nous avons en commun avec Pascal Garry qui est là, pour régler donc ces questions pour pouvoir diffuser ces archives, parce que l'objectif c'est quand même ça. Le traitement documentaire de ces archives, parce que le contexte est toujours extrêmement important pour leur diffusion. Le carnet de recherche que j'évoquerai aussi, qui est une manière de diffuser de l'information sur ces corpus. L'exposition des métadonnées pour le moissonnage des notices documentaires, sur lequel je passerai rapidement parce que vous avez déjà eu des conférences là-dessus. Un réseau d'échanges à travers une liste de discussion. Et puis la sauvegarde des fichiers numériques sur le long terme, ce qui n'est pas encore gagné, parce que pour l'instant, il n'y a pas encore d'installation complète là-dessus, sur ces archives. Alors, donc une autre photographie de collecte de Flickr issue de collectage nord-américain, ou peut-être quand il est là, mais c'est un salon, moi. Ouais. Ah ouais, moi j'aime bien, mais je trouve qu'il y a très peu de. Ouais, en plus ça fume là. L'étudiante qui me l'a fait, elle fume. Mais il n'y a pas beaucoup de situations de collecte qu'on peut récupérer où on voit ce lien entre informateur, collecte et enquêteur. Donc voilà. Donc là, justement, on voit une photo de la London School of Economics. C'est une étudiante, en plus, jeune étudiante, qui conduit un entretien en 1946 sous la direction d'un professeur, donc Tibor Barna. Et donc là, ma question, c'était plutôt, donc, à votre avis, à qui appartiennent ces documents sonores qu'on a définis, qui sont à qui ça appartient? Pardon? Au professeur. Donc vous vous dites au professeur. Non mais ils y sont. Hein. À la London School. Ouais. Donc l'enquêteur. L'enquêteur, c'est le professeur ou c'est le... Oui, non, c'est vrai, pardon, je suis en train de chercher autre chose dans ma tête. Donc, le professeur qui dirige le chercheur qui dirige l'enquête, c'est ça? Qui dirige le projet, plutôt, là, d'ailleurs. Voilà, responsable de projet. Donc, vous, plutôt, aussi, c'est l'institution. Je dirais l'enquêteur. L'auteur, en fait. L'enquêteur. Là, si vous dites auteur, là, vous vous lancez dans un terme qui n'est pas facile à définir. Il vaudra mieux dire la fonction, parce que l'auteur, dans un entretien, suivant les lois des différents pays, ce sera pas le même. Donc, l'enquêteur. L'enquêteur. Tu peux avoir l'auteur de la chanson que je chante l'enquêté. Ouais. Le compositeur, quoi. Ouais, compositeur. L'auteur du texte dit ou chanté. Bon, on a déjà pas mal à régler, hein. On a déjà pas mal à régler, mais il y en a d'autres aussi qui pourraient apparaître, en fait. Donc, il y a ceux qui ont financé, donc on dit l'institution, mais ce n'est pas toujours la même, hein, parce que s'il y a eu de l'argent, le laboratoire, surtout dans des situations de financement, donc il y a ceux qui ont financé la production. Il y a les chercheurs, donc quand vous parliez d'auteur, dans le droit français, par exemple, le chercheur n'est pas auteur, il est producteur, parce qu'il appuie sur le bouton de l'enregistrement. Hein, et donc, il est producteur de l'enregistrement. L'auteur, c'est l'enquêté, c'est l'informateur, et il n'est auteur que s'il dit autre chose que des choses banales qui pourraient être. Donc, il faut qu'il ait la notion de création, qu'il soit vraiment auteur. Donc, vous voyez, c'est un peu compliqué parce qu'il faut arriver dans chaque situation à se repérer et à trouver quelle est vraiment la fonction. Bon, nous, à la Phonothèque, on considère que l'enquêteur et l'informateur sont les auteurs. Les contrats dont je vais vous parler, ils lient ces deux personnes-là. Parce qu'on considère que le cheminement intellectuel qui a été fait que le producteur est devenu auteur. Mais il y a aussi les techniciens, donc on est parfois tenu aussi de faire des contrats avec les gens qui ont fait les prises de son, qui interviennent aussi parfois, et qui ont aussi des droits voisins sur ces enregistrements. Bon, les informateurs, mais il y a aussi les sociétés au sein desquelles les enregistrements ont été faits, et qui peuvent avoir des droits qui ressortent. Vous voyez, en ce moment, il y a eu pas mal de choses. Ben, les Indiens, par exemple, en Amérique du Nord, ont aujourd'hui des droits sur des objets ou des enregistrements qui ont été faits sur leur société. Donc, il y a des droits d'usage aussi qui transparaissent dans ces sociétés. Et puis, il y a aussi le droit patrimonial au sein duquel des archives ont été déposées. Moi, je vous disais, je retrouve ces archives de Ravi Jordan. C'est sûr que Ravi Jordan, il va pas être... je le connais, ça fait des années qu'il me dit qu'il veut déposer à la Phonothèque, ça va lui faire un choc de savoir que ces archives sont là. Moi, je n'ai rien le droit de faire avec, mais la loi dit quand même que je suis propriétaire de ces documents et que je peux les copier pour des raisons patrimoniales. Donc, malgré ce, je vais quand même pouvoir les traiter, ces archives. Même si Ravi Jordan, qui avait fait ça dans le cadre de l'université, n'est pas d'accord, par exemple, pour qu'elle puisse être diffusée. Vous voyez, il y a quand même un droit patrimonial de l'institution dans laquelle les archives sont déposées. Et j'avais parlé d'un autre exemple, ça m'échappe, sur la propriété, mais c'est vrai que, oui, par hasard fortuit, j'ai eu le dépôt par Franck Bernier, qui est anthropologue et qui a dirigé l'Institut français du Proche-Orient, enfin la partie libanaise, des dépôts par une discussion comme ça. Il avait dans son bureau les archives de Michel Seurat, que peut-être certains d'entre vous se souviennent de Michel Seurat, qui était donc chercheur en sciences politiques, qui a été enlevé au Liban et qui est décédé dans les années 86 et qui avait donc des mini-cassettes. Et donc, qui était dans les archives, sur les étagères de Franck Mermier, qui me rencontre et qui me donne ces boîtes à archives qui sont maintenant à la MMSA. Donc, vous voyez, on a cette possession aussi qui est là et qui est liée finalement à, et qui est très courante dans les archives parce que ça tourne et ça. Et donc, là aussi, il y a des nouveaux droits qui sont à prendre en compte. Donc, justement, c'est important de définir le statut de ces données, parce qu'elles sont à la fois publiques, donc c'est votre réaction d'ailleurs, c'est l'institution, la première, à qui ça appartient, enfin, en tout cas, c'est une institution publique qui le produit, le chercheur est payé, le magnétophone a été acheté, l'étudiant a peut-être même une rémunération, donc à ce moment-là, il est dans la chaîne, il disparaît, puisqu'il a un contrat de travail qui fait que. D'ailleurs, normalement, les chercheurs en contrat de travail qui devraient faire que les sources qu'ils ont produites. Tu as quelque chose à dire là-dessus? Sur mon contrat de travail, il y a marqué que tout ce que je produis dans le cadre de mon travail appartient à l'institution qui m'emploie. Ah. Mais toi, tu es dans un CDD, alors que le chercheur qui rentre, je pense non, que mais tu je ne suis pas chercheur, contrat. Je ne recherche oui. pas la même chose, je ne suis pas enseignant-chercheur. Oui, mais c'est bon, est-ce que tu partages? On cède tous, parce que je vous ai aussi, on cède tous les droits, sauf le droit moral. Ouais. Mmh. C'est oui. ce qu'il faut savoir, c'est-à-dire que par exemple, si le cas de l'expérience est un photographe du Louvre, de mettre sur un dessous, quand il partait à la retraite, il perdait tous les droits d'image et des photos qu'il faisait des œuvres au Louvre. Donc le musée du Louvre et l'État français a le droit de commercialiser ces photos. Par contre, l'utilisation de ces photos, il faut que l'État demande l'accord aux auteurs. Mm-hmm. Mais par contre, la royalty, l'auteur ne les a pas, c'est l'institution. Oui, mais ça, c'est un règlement qui a été propre au musée du Louvre et en fait, qui est complètement flou après partout ailleurs où les choses se font. Quoi, parce que le droit moral, par contre, il est inaliénable en France. Bien sûr, on a toujours un droit moral, mais encore, faut-il que la façon dont. Bon, s'il y a une utilisation commerciale déjà, ou s'il y a un détournement encore, mais encore faudrait-il pouvoir se retourner dans ce genre de choses. Mais c'est vrai que, bon, on va dire qu'elles sont à la fois publiques, mais aussi issues de personnes privées, avec des informateurs qui vont donner aussi des informations personnelles, et parfois confidentielles. Moi, je suis aussi souvent dans des situations où j'ai à la fois les droits des contrats signés par les enquêteurs, des contrats signés par les informateurs pour toute diffusion et sur Internet, mais moi, j'écoute et je me rends compte qu'il dit que son voisin, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais... voilà, il est encore vivant et ce qui est dit pose des problèmes. Il y a peut-être des énonciations racistes aussi qui peuvent le mettre, lui, en défaut si tout le monde écoute ça sur Internet. Donc il y a aussi un travail qui doit être fait, nous, sur des questions confidentielles qui peuvent être. Et donc, il faut donc définir, comme on l'a fait là, à chaque moment... de ces entretiens, les différents acteurs qui interviennent et qui agissent dans la production. Donc là, j'essaie d'en lister, mais je pense qu'on peut aussi parfois trouver dans d'autres situations un peu les d'autres. Mais donc l'enquêteur et l'informateur, les ayants droit, bien sûr. Donc évidemment, dans le contrat, on va essayer justement de ne plus avoir recours aux ayants droit, parce que c'est le plus compliqué quand on doit retrouver... la totalité des ayants droit, les détenteurs de droits voisins, donc il peut y en avoir beaucoup, des accompagneurs, des accompagnateurs d'entretien, ou du témoin, le preneur de son qui intervient et donc qui intervient dans le... Donc là, tu disais Pascal, le compositeur, mais aussi l'arrangeur, le parolier d'une chanson interprétée. Moi, j'ai des enquêtes des années 60. De tradition orale avec des gens justement qui m'ont écrit pour me laisser les droits de diffusion c'est en résubie en plus une chose intéressante parce que Cyril Isnard, anthropologue, est revenu sur ce terrain dans les années 2000 après ses enquêtes à la fin des années 60 donc justement enfin une réutilisation d'enquête de terrain mais comme c'est une enquête de répertoire ben, par exemple pour le répertoire enfantin le chercheur, donc Bernard Lorta-Jacob leur demande de chanter les chansons qu'ils chantent quand ils sont nés. Donc ils chantent Petit Papa Noël. Donc moi, même si j'ai les droits de diffusion, Petit Papa Noël, c'est complètement impossible que je puisse le mettre en ligne. Donc j'ai vraiment intérêt à faire attention à ce que à couper à ce moment-là, il est impossible de mettre en ligne Petit Papa Noël interprété par un gamin dans les années 60. Quoi. Et encore parfois, dans la tradition orale aussi, c'est ce qui pose un problème, c'est que je ne sais pas toujours qui est un compositeur. Alors je me dis, oula, ça pose un peu un souci. J'ai plutôt tendance, voilà, dès que le texte apparaît. Enfin, c'est bon, après, à force d'écouter des chansons traditionnelles, on a un peu une oreille qui se forme sur ce type de choses. Mais avec le colportage et les feuilles de colportage, il y avait énormément, jusqu'au milieu du XXe siècle, il y avait énormément de gens qui chantaient des chansons qui étaient en montagne, qui avaient comme ça apprises sur des feuilles de colportage. Hein. Donc les personnes qui sont citées dans l'enregistrement aussi, ça peut, voilà, c'est des choses sur lesquelles il faut aussi réfléchir. L'institution qui a programmé la recherche, l'institution a déposé le document, le dépositaire, le créateur de la notice documentaire, ça on va y revenir. Je suis aussi en train de penser, les personnes qui sont citées dans l'enregistrement aussi, mais aussi les personnes la place de ces personnes dans la société où elles vivent aujourd'hui. Par exemple, dans le fond sur le Yémen, on a choisi de ne pas mettre en ligne les enquêtes où les femmes parlaient, par exemple. Parce que, après avoir réuni un comité scientifique de spécialistes sur le Yémen, il est apparu que ça pouvait, elles pouvaient être reconnues, et ça, c'était quand même des enregistrements pas trop assez anciens, années 70-80, et les reconnaître comme femmes au Yémen, ça pouvait leur porter préjudice vu la situation actuelle, et donc, il y avait peu de chances qu'un yéménite aille écouter et retrouve la voix dans le nord du Yémen, mais bon. Voilà, c'est ce type de choses. On a aussi enlevé une enquête d'un homme qui parlait de l'alcool et du 4, parce que là, pareil, c'est aussi la possibilité de retrouver la personne et de porter préjudice. Donc, les questions, voilà, ben, justement, j'y venais, en fait, sur ces questions du respect d'éthique et en particulier du respect des collections. Moi, en archivistique, ça me paraît extrêmement important, justement, de conserver aussi ces collections, de ne pas isoler les enquêtes de terrain. C'était assez la mode à une époque, dans les années 70, quand on a commencé à faire ces entretiens de terrain. Si vous regardez les enquêtes du Musée de l'Homme, vous avez vu la conférence Télémétat, vous avez vu un peu la façon dont le corpus est constitué. Dans les forts anciens, hein, c'est plus du tout le cas aujourd'hui, mais aussi au musée des arts et traditions populaires, qui étaient les deux musées en ethnomusicologie sur la France et l'autre sur les ailleurs. Mais du coup, ils découpaient énormément et ils enlevaient le contexte de l'enquête. C'était la méthode de l'époque. Et donc, c'est vrai qu'on est très sensible aujourd'hui, justement, à respecter toujours les collections, à toujours la situer dans la hiérarchie du fond, à essayer aussi de conserver l'ordre de création du chercheur et sa méthode de recherche. On en a déjà parlé, c'est vrai qu'on ne peut pas substituer ces archives aux archives de la société. On ne peut pas dire que les archives de Griolle sont les archives du Mali, par exemple, ça n'a rien à voir. Il faut absolument qu'elles puissent être créées dans le travail de contextualisation, avec un travail de contextualisation important. Alors, justement, par rapport à ces questions de droit aussi, ce que j'évoquais, c'est qu'il y a des œuvres de l'esprit, et c'est là, à ce moment-là, qu'il y a vraiment le droit qui rentre en jeu, quand il y a œuvre de l'esprit. Donc, effectivement, nous avons des œuvres, à la fois des montages sonores, des conférences. Hein, mais vous avez vu que récemment, il y a eu... Alors là, je ne sais pas si je fais un cours ou une conférence, mais sur le carnet de Calimac, Morel, voilà, Lionel. Lionel Morel, c'était sur son Twitter que j'ai vu ça, pas sur son carnet. Il a fait un lien sur une jurisprudence qui vient d'être faite, quelqu'un qui portait plainte, un professeur, qui portait plainte contre la reprise d'un cours qu'il avait fait. Et donc, il a été débouté. Et donc, effectivement, quand il y a cours, par exemple, ça n'est pas une œuvre de l'esprit. Donc, vous pouvez recomper les cours. Et ça n'est pas œuvre de l'esprit, donc effectivement, il a été dégoûté, mais on va dire que la conférence, moi j'ai souvent, les conférences vont être des publications, donc là, c'est un peu différent du cours. Les montages sonores sont aussi des œuvres de l'esprit. Les informations brutes, donc les enquêtes orales, surtout si justement il y a cette notion de création. Et puis les interprétations d'œuvres anonymes. Donc nous, quand on crée des notices, on pourrait aussi s'ajouter comme auteur, puisqu'on crée une notice documentaire, un résumé, etc. Et donc ça, c'est surtout à éviter, je pense, et on doit plutôt se consacrer à ces questions juridiques, à l'ensemble de la chaîne, de ceux qui vraiment agissent, et pas ceux sur ceux qui traitent ou numérisent. Parce qu'on arrive aujourd'hui à des situations où celui qui a numérisé réclame également des droits d'auteur sur l'œuvre, et là on n'en finit plus, à ce moment-là les documents ne sont plus jamais utilisés. Donc c'est pour ça que je voulais quand même mettre cette diapositive sur notre responsabilité sur la diffusion des savoirs, parce qu'il y a de plus en plus de pression sur les droits, sur ces bases de données. Donc c'est sûr que c'est un travail gigantesque qui est de constituer ces bases de données. Faire des thésaurus, contextualiser les enquêtes, faire les fiches d'autorité, là, qui est l'informateur, qui est l'enquêteur, faire retrouver les fiches réaliser les fiches de signalétiques des enquêteurs, déjà, c'est un travail assez énorme. Mais c'est vrai qu'il faut admettre, quand on crée ces bases de données, qu'elles vont être réutilisées dans des situations les plus incongrues, peut-être, pas du tout dans le sens de ce qui va être, ce qu'on pensait qu'allait être fait. C'est pour ça que c'est très important aussi de contextualiser et de demander au contraire que le contexte soit lié toujours au document, mais il faut laisser, enfin, c'est mon avis, les données ouvertes quand les droits le permettent. Voilà, donc notre travail, c'est vraiment contextualiser au maximum et laisser la diffusion des archives. Donc voilà, nous voilà donc à la croisée de plusieurs chemins. Donc la protection des droits de la personne, de l'individu, avec donc l'image et la représentation, le droit de la propriété privée et de la propriété intellectuelle, les usages locaux, on l'a vu, hein, des sociétés, le droit des pays où elles ont été produites, ça c'est encore aussi autre chose, le droit du patrimoine et le droit des nouvelles technologies. Donc quand on va traiter ces documents, on va devoir avoir un panorama de toutes ces questions-là. Donc voilà sur quoi je voulais conclure presque sur le contrat de dépôt. En fait, c'est terminé sur la notion de contrat de dépôt. Donc là, vous m'avez fait signer un petit papier. Je le regrette de vous dire que vraiment, il n'est pas trop valable juridiquement. Parce que cette histoire de contrat, dans le droit, vous devez prévoir tout ce qui est faisable, tout ce qui va être fait, si vous voulez. Donc vous devez expliquer. Bon, moi ça va, on va dire que je suis quand même plus ou moins, vous m'avez expliqué aussi oralement, mais ça vaut rien, hein, parce que je pourrais me dire que, comme je vous ai dit, j'ai pas tout lu dans mon mail, je suis pas entendue aussi. Mais donc voilà, dans l'histoire du droit, vous allez devoir décliner, informer de la personne tout ce qui va être fait de cet enregistrement, prévoir le plus possible de possibilités, parce que sinon après vous allez devoir revenir vers la personne pour avoir des droits supplémentaires. Et c'est vrai que donc voilà, le contrat peut être envisagé comme un engagement des collecteurs pour protéger la personne, ressources et ses proches. Et c'est vrai que aujourd'hui on ne devrait plus pouvoir faire, enfin on devrait plus faire d'entretien sans avoir de contrat. Par exemple, je discutais hier avec une chercheuse qui me disait que quand elle éteignait le magnétophone, c'est ce moment-là que son informateur choisissait pour parler. Mais c'est sûr, ça pose d'autres questions, hein, de méthodologie. C'est pour ça que je disais aussi, ce qui serait très intéressant, c'est aussi non pas seulement de parler de l'archivage, mais de la façon dont on collecte, comment on collecte avec le juridique. Et de toute façon, par contre, on ne fait pas la même chose quand on fait une collecte scientifique liée à une thèse, à un projet de terrain lié à une publication scientifique précise, et un projet de collecte patrimoniale, comme par exemple on a pu avoir à la Phonothèque un travail sur la mémoire des Arméniens dans les Bouches-du-Rhône. où on a collecté donc plus de 150 heures d'archives, où là, tous les témoins ont accepté la diffusion de leurs enquêtes. Mais le projet était un projet patrimonial, c'était vraiment un lien qui se... l'enquête avait été faite dans ce sens, et à la limite, si la personne disait « non, je ne veux pas que mon enquête soit diffusée », l'entretien ne se faisait pas. Donc les apports que j'ai signalés là, qui sont un petit peu écrits en petit là d'ailleurs, c'est la reconnaissance et la valorisation du centre, du rôle central du témoin comme source de savoir. Et ça c'est important parce que longtemps c'est l'enquêteur qui était au centre de ces enquêtes. Quand je suis arrivée à la phonothèque, tout était au nom des enquêteurs, tous les informateurs étaient anonymisés. Et en fait, on se rend compte que plus les informateurs envoient leur nom, comme je vous le disais, sur les bases de données, plus ils retrouvent, les ayants droit les retrouvent, et plus on a de diffusion qui peut se faire, en fait. C'est la reconnaissance de sa capacité, son autonomie à générer du patrimoine dans un consentement éclairé dans cette relation entre enquêteur et informateur. C'est la possibilité aussi pour l'informateur de s'inscrire dans une vraie démarche de dépôt. C'est la transparence aussi de la relation, puis c'est le sens de la démarche du collectage, c'est la restitution des travaux, ça évite aussi la recherche des ayants droit dans le futur. Alors ça, c'est très compliqué, et souvent les ayants droit sont plus méfiants que ne le sont les informateurs au départ. Donc ce qui est important, c'est de parler du contrat tout de suite, avant de commencer l'enquête, et puis de voir ce qui se passe, parce qu'il est aussi possible de signer des contrats, justement, sur la non-diffusion, suivant le type d'enquête. Hein. Donc, c'est pas... Et peut-être qu'au contraire, ça peut rassurer, plutôt que un enregistrement, dit, bon, je veux un enregistrement parce que je prends des notes, pour m'éviter de prendre des notes. Et justement, si on dit, voilà, tu peux parler, puis dis-moi avant ce qui pourra être fait de cette parole, est-ce qu'elle pourra être diffusée ou pas, de quelle façon. Et donc là, on peut lister et cocher différentes cases. C'est la co-construction du dépôt du patrimoine avec le témoin, et puis voilà, c'est la restitution du côté des personnes interrogées. Donc ce contrat, enfin, j'ai essayé de lister tous les enjeux qui pouvaient y être liés, mais de toute façon on ne peut pas faire sans, parce que sinon on ne peut rien faire de ces archives. Moi j'aurais une question. Tu dis que justement l'anonymisation, ça peut être un problème parce que du coup ils sont moins investis, on ne peut pas les retrouver, mais c'est vrai que, enfin, alors, dans un cadre de recherche, pour justement, c'est parfois la condition que les personnes acceptent. Alors, oui, j'ai parlé trop vite, effectivement. Tu veux dire, c'est garder la source. C'est-à-dire que quand je suis arrivée à la phonothèque, tout était anonymisé. Il n'y avait que les enquêteurs qui étaient en clair. D'accord, les enquêteurs. Ah, mais toi, tu n'avais pas accès au nom. Si, j'avais un fichier d'anonyme, mais quand j'ai constitué ma base de données. Un fichier d'anonyme. Ouais, j'avais mon fichier de lien entre mes numéros d'anonymisation et les fiches d'informateurs. Pour moi, la base de données, elle est conçue là-dessus, sur l'anonymisation des informateurs. Ce dont je me suis rendu compte au fil du temps, c'est que les informateurs n'avaient pas tous demandé d'être anonymes, en fait. Mmh. Et quand j'ai eu des nouveaux dépôts, j'ai demandé systématiquement, est-ce que je peux mettre le nom clair de ces informateurs ou pas. Donc, à partir du... Et en fait, je me suis rendu compte que les chercheurs, ils ne s'étaient pas toujours du tout posé la question. La plupart m'ont dit, ah, bah oui, bien sûr. Parce que c'est pas... Quand il y a une vraiment démarche d'anonymisation du chercheur, elle est vraiment pensée, quoi. Hein. Donc, j'ai aussi des collections comme ça. Mais sinon, grosso modo, c'était la façon dont les deux chercheurs dont je vous parlais au départ avaient conçu la phonothèque. Et donc, aujourd'hui, je me rends compte que j'ai beaucoup plus de retours vers... évidemment, d'ailleurs. Hein, mais quoique, il y a des gens qui se retrouvent, même anonymisés, qui retrouvent leur grand-mère, leur cousine, et qui disent... Je suis sûre que c'est ma cousine, et je vérifie, c'est bien ça. Et donc, à ce moment-là, c'est toujours pareil, je leur envoie une copie, et en échange, je me renvoie un contrat de diffusion qui va décliner les droits possibles ou pas. Et donc, voilà, c'était dans ce sens-là que je voulais dire qu'aujourd'hui, donc, dans mon contrat, bien sûr, il est prévu, mais dans les 150 heures des Arméniens, certains sont anonymes, et d'autres sont clairement dans le nom et clairement étant clair. Donc voilà, ça par contre dans le contrat, on propose à l'informateur, est-ce que vous souhaitez que vos informations personnelles soient affichées, est-ce que vous ne souhaitez pas, et donc ensuite... Quand on doit diffuser des archives sonores qui sont d'interviewés, qui sont certainement décédés, parce que les archives, l'enregistrement a été fait dans les années 50, dans ce cas-là, est-ce qu'on a l'obligation d'essayer de retrouver, je dirais... la famille ou des lions de droit pour avant de la diffuser. C'est ce que j'indiquais. C'est que l'âme devait faire appel aux lions de droit. Donc vous avez le droit de créer la notice et de diffuser l'information. C'est ce qui permet souvent, pour moi, de retrouver ensuite les ayants droit, parce qu'ils vont se retrouver dans la base des données. Mais en soi, là... Alors, après, ça dépend de votre type d'entretien. On peut considérer qu'un entretien, dans le droit, il est dit que si l'information qui est énoncée est banale... Mais voilà, ça veut dire que quelqu'un d'autre aurait pu la donner... Enfin, voilà, vous pourriez... Voilà, après vous avez quand même des niveaux de risque, de prise de risque qui sont plus ou moins élevés, quoi. Si vous avez l'interprétation musicale, ben c'est vraiment délicat. Parce que là, il y a beaucoup de choses qui vont rentrer en jeu. Vous voyez, c'est dans votre liste d'acteurs, il faut essayer de voir tout ce qui va rentrer en jeu. Mais a priori, non, vous n'avez pas le droit de diffuser sans avoir recours à l'autorisation de vos ayants droit. Après, ce que je disais toujours, parce que moi j'ai un point de vue en état sur le rapport juridique, le droit c'est un rapport de force sans prise de risque. Lionel Morel l'explique très bien. C'est qu'il y a des usages qui s'instaurent. Par rapport à des ayants droit, c'est une pratique qui est très en littérature. Même quand vous regardez les journaux, vous regardez les photos dans les journaux, le photographe qui est le plus souvent cité, c'est tout s'appelle DR, droit réservé. C'est que si vous montrez votre bonne foi, vous avez écrit aux ayants droit, vous avez écrit l'adresse vous est revenue, vous n'avez pas l'adresse indiquée, vous gardez précieusement etc. Vous montrez votre bonne foi qui est d'avoir recherché les ayants droit. Vous ne les avez pas trouvés, vous êtes autorisé à diffuser cette œuvre-là, sous réserve de garder les droits ouverts. Donc si l'ayant droit se manifeste en disant je ne veux pas, vous retirez l'œuvre. Mais tant qu'il n'y a pas cette manifestation-là, vous pouvez très bien diffuser l'œuvre. Si vous pouvez montrer que vous avez fait votre recherche. Ah, ils ne la font pas, le problème. C'est ça, exactement. Oula, vous n'allez pas chercher, sinon c'est un travail. Enfin, de toute façon, ce qu'il y a aussi, c'est que nous, on procède un peu différemment, en fait. Ce que j'expliquais, c'est qu'à chaque corpus, on considère cette question juridique. Et en fait, chaque fois, on la reconsidère. Et en fait, bien sûr qu'il y a à chaque fois une prise de risque, parce que je vais pas aussi. J'ai commencé à faire des contrats il y a 10 ans. En 10 ans, je vous dis pas, je devrais chaque fois les refaire, parce que je dois à chaque fois. Les technologies ont évolué. Donc, au début, je disais sur les serveurs de la MMSH, mais maintenant, je travaille avec le MUSEM, avec la BNF, donc je devrais aussi leur signaler les serveurs. Donc, de toute façon, la prise de risque existe. Moi, ce que j'essaye juste de vous dire, c'est que c'est possible de diffuser. C'est que c'est important que vous vous empariez de ces questions de droit, parce que c'est important de les comprendre pour pouvoir agir. Et donc après, bien sûr que votre prise de risque, vous allez la faire, parce que vous avez besoin de diffuser, mais il faut la faire en toute connaissance de cause, et surtout, parce que ce qui est dérangeant, c'est que jusqu'ici, c'est le chercheur qui s'approprie cette question-là. Il disait « oui, d'accord, voilà ». Parce que c'est lui qui avait constitué. Mais il faut un peu inverser. Il faut inverser et déconstruire les idées préconçues et aussi placer les informateurs au centre de ces questions. Est-ce qu'ils ont envie qu'on les voit ou est-ce qu'ils n'ont pas envie? Donc, par exemple, le conseil scientifique qu'on a constitué autour du Yémen a considéré que ces enquêtes portant sur les céréales... Bon, en plus, il n'y a pas de droit au Yémen, de droit de l'information. Donc, vous voyez, c'est nous qui sommes plénipotentiaires. On peut faire tout ce qu'on veut. Mais du coup... on a considéré que ces informations sur les céréales, les calendriers agricoles, etc., c'était intéressant d'un point de vue scientifique, contextualisé, gnagnagna et tout, on pouvait le mettre en ligne, et que quand les femmes parlaient, eh bien, on n'allait pas les mettre en ligne, ni les hommes quand ils parlaient de l'alcool, parce que ça pouvait leur porter préjudice. C'est vous qui en êtes responsable de tout ça, c'est important de se poser toutes ces questions, de lister ces acteurs et d'essayer, bien sûr... comme le dit Richard, de montrer votre bonne foi en recherchant ses droits. C'est ce qu'on fait systématiquement. Mais je crois qu'il faut se reposer la question chaque fois que vous avez un corpus, parce qu'il faut... Et ensuite, ça aussi, c'est une démarche éthique, en archivistique, qui me semble importante, c'est que vous travailliez par corpus et que vous organisiez... Par exemple, là, vous allez peut-être créer une maisonnée sur vos conférences. Ben, moi, ça me paraît intéressant, non pas d'analyser Véronique Gilles-Ouest, mais Pascal Cordorex, Joséphine Simoneau, machin, ensemble. Parce que c'est ensemble qui donne du sens. C'est pas leur conférence dispersée qui apporte quelque chose. Même si on peut écouter une seule de ces conférences. Mais c'est important qu'on comprenne le contexte dans lequel tout ça a été fait, quelle est votre démarche scientifique. Sinon, Ou alors, on fait autre chose qu'on fait la bibliothèque et du libre accès comme ça, simplement pour le goût de l'écoute. Pourquoi pas aussi, hein. Une voix méridionale, tiens, allez, aujourd'hui ça me fait. Je voyage à Marseille et demain. Non, mais je veux dire, mais on est dans cette démarche-là, voilà. Mais, pardon, d'un autre côté, sur l'exemple du Yémen, c'est intéressant aussi, peut-être pour les générations futures, d'avoir une réflexion sur des gens qui, eux, ont eu un discours sur l'alcool, les femmes ont eu un discours. Absolument, mais la notice documentaire, elle est toujours accessible. Si quelqu'un veut écouter cet entretien, il me dit pourquoi, mais si c'est des renseignements généraux du Yémen, je dirais non. Et si c'est un chercheur qui me dit je veux écouter cet entretien parce que effectivement je travaille sur l'alcool au Yémen, il n'y a pas de souci, je vais rapidement par mail consulter le comité scientifique qu'on a créé, et à ce moment-là, c'est pas une rétention, tout est écoutable. Enfin, de toute façon, bien sûr qu'on a intérêt à tout écouter. Et notre volonté est de diffuser ces archives. Hein. Mais c'est important de réfléchir sur la façon dont on le fait. De toute façon, tu places dans le cadre des archives publiques. Les archives publiques ont une obligation en tant que salarié de l'État de les donner déjà à l'État, et 50 ans après, l'État a l'obligation de les rendre publiques. Ah, de toute façon, bien sûr, ça se passe sur les durées, bien sûr. Les nucléaires, bactériologiques, etc. Enfin, il y a deux pages, hein, l'arrêté fait deux pages. Et de toute façon, ces archives, elles seront publiques. Donc là, ce que tu es en train de dire, c'est surtout comment gère-t-on nous entre l'État, entre maintenant et le moment où ces archives seront totalement publiques. Mmh. Donc là, effectivement, il y a des garde-fous, des protections de la vie privée, des choses comme ça. Et puis, de toute façon, on sait qu'au bout d'un moment, y compris sur le Yémen, dans 50 ans, le contexte aura changé, les interlocuteurs, les informateurs ne seront plus là, les ayants droit, on ne sait pas trop, mais l'archive sera publique. Et d'ailleurs, on travaille aussi quand même beaucoup avec les pays, où, bon, pas avec le Yémen, par exemple, je travaille pas mal avec l'Algérie, sur un éventuel dépôt, mais ça pose des tas de problèmes quand même politiques, donc voilà, les chercheurs, ils sont pas non plus tout à fait d'accord. Surtout avec les questions des Berbères, des Arabes, les questions des Touaregs et les questions économiques qui sont liées au pétrole. Il y a plein de choses qui font que chaque fois, le bon sentiment voudrait la diffusion totale, mais voilà, c'est important de respecter les informateurs et de se poser toutes les questions pour que cette diffusion soit faite le mieux possible. Et alors, comment il s'est constitué ce comité scientifique, et par quel type de personnalité? C'est des chercheurs? Voilà, pour le Yémen, par exemple, ça a été tous les anciens directeurs du CEFAS, Mermier, Burga, Lambert et l'actuel, je dis non, là. Donc voilà, on a, et puis un autre chercheur qui n'avait pas été directeur du CEFAS, et donc par courriel, on leur a envoyé les... je ne sais pas si j'ai une diapo là-dessus, et donc on leur a envoyé les fichiers, la plupart des quelques fichiers à écouter, et puis les fichiers plus difficiles, et puis voilà, ça n'a pas été une réunion, hein, ça a été une demande, une sollicitation, et ensuite un échange de courriel. Mais donc pour chaque corpus spécifique, il va y avoir un comité de spécialistes. S'il le nécessite, c'est pour les Arméniens par exemple, on avait aussi un comité scientifique pour la constitution du corpus. Tous les cas sont, dans le cas de Mirecourt, Célène Clodo, souvent le chercheur, si on crée ce comité aussi, quand on n'a pas de... quand le chercheur n'est plus là. Et donc là, par exemple, pour le corpus sur les luthiers de Mirecourt, Hélène Clodo, c'est elle qui... par exemple, elle est en train elle-même de travailler sur les entretiens. Donc on n'a pas les accords, par exemple. Dans le cas d'Hélène, elle prend le risque de la diffusion de ses entretiens sans revenir vers ses informateurs. Par contre, elle réécoute la totalité de ses entretiens et les passages, parce qu'il y a beaucoup de passages où les luthiers qui étaient employés donc râlent pas mal sur leur patron ou le patron qui les employait. Donc ça, c'est toujours un souci, quoi, parce que voilà, c'est... Bon, voilà, ce genre de choses. Je crois pas qu'il y ait tellement de... C'est plus de la critique sur le savoir-faire des luthiers qui va passer à l'as, quoi. Mais le document original reste intègre, bien sûr. Si quelqu'un veut écouter la totalité de l'archive, l'archive reste intègre. Par contre, la mise à la consultation sur Internet va être reprise par le chercheur. Mais d'ailleurs, la plupart du temps, c'est le chercheur qui fait les montages sonores, qui considère... ou il n'en fait pas et il considère qu'on peut tout laisser. Je ne sais pas si on a assez de recul encore sur la diffusion des archives, parce que c'est vrai qu'il y a des sujets qui peuvent paraître anodins. Absolument. À une certaine époque, et puis qui peuvent prendre... C'est pour ça que c'est celui qui connaît le terrain qui peut le... Mais on ne peut pas prévoir ce qui va devenir une ressource de savoir. C'est vrai, c'est vrai. Oui, oui, bah, il y a eu ce cas sur l'ethnobotanique, par exemple, où il y a eu des pillages de cultures. Et donc, effectivement, sur l'ethnobotanique, il y a beaucoup de réticences sur la diffusion, des choses comme ça. Il y a une idée aussi qui me tenait de... Bon, ça me reviendra parce que j'ai d'autres diapos là-dessus, je crois, pour la diffusion. Donc, c'est vrai quand même aussi, pour revenir là-dessus, c'est que quand un témoin a choisi de répondre à un enquêteur, il a quand même... il sait que son témoignage va être réutilisé. Donc, ce qui est important dans le contrat, c'est savoir sous quelle forme et comment. Il faut que... Il doit l'éclairer sur les différents modes de diffusion. Et donc c'est ce contrat qui va contenir les dispositions relatives au transfert des droits d'auteur, qui va énumérer toutes les utilisations concrètes ou virtuelles et les préciser. Donc c'est sur ça que donc ce contrat, il est nécessaire, mais il ne va pas régler toutes les questions éthiques. Et donc je vous renvoie vers ce projet qui est en cours et auquel je vous convie, hein, puisque c'est un projet collectif et transdisciplinaire. Donc moi, ce qui m'intéressait, bien sûr, c'était les archives sonores, mais Pascal, lui, travaille beaucoup sur l'image. Et il y a aussi la vidéo et le texte aussi. Toutes ces questions qu'on se... Enfin, on est démunis, en fait, aujourd'hui, parce qu'on a perdu nos réflexes savants face à des situations qu'on avait qui étaient très précises avec le livre et avec l'édition. Les chercheurs avaient très, très bien intégré toutes ces questions-là. Aujourd'hui, on est démunis face à un écran rectangulaire, toujours le même, et aujourd'hui même en plus des écrans bien plus petits avec les téléphones portables. Donc, en fait, on a perdu tous ces réflexes. On est souvent démunis sur « je dois diffuser, comment je le fais ?» Et ça me... J'ai fait un cours avant-hier à des Master 2 sur Zotero, et donc le prof, à la fin, me dit « vous avez bien fait de... » C'était étonnant, parce que alors là, c'est des jeunes, ils sont digital natifs, mais ils n'ont aucun réflexe par rapport, ils n'avaient aucun réflexe, aucune connaissance des plateformes, enfin, c'était très, très impressionnant. Et après, le professeur, il me dit, oui, vous avez bien fait, vous avez bousculé. Je dis, oui, mais regardez, je donnais un exemple de citation de vidéo de la société de préhistoire qui avait mis en ligne une vidéo, il n'y avait aucune date de mise en ligne. Aucune précision de titre, rien sur... Il y avait vaguement au début, c'était 10 ans après, donc vaguement au début, les fouilles qui étaient 10 ans après, mais encore c'était sur 2 années, donc on ne savait pas à quel moment le film avait été réalisé. Alors que s'ils avaient publié un article sur une revue, et encore plus une revue de rang, alors là, ils nous auraient tout mis, les différents auteurs, ils nous auraient mis les dates, ils nous auraient mis le lieu de production, et c'est bizarre de perdre comme ça ces réflexes savants dans des situations électroniques. Donc voilà, c'est un peu aussi sur ça qu'on a bâti notre projet, sur l'idée de faire un guide de bonne pratique pour que les gens, pas aient des recettes, des réponses, mais on a imaginé partir de toute la chaîne de production, de dire, ben voilà, je suis chercheur, ça s'adresse plutôt à des chercheurs, avec les compagnons de la recherche, hein, le faire avec eux, quoi. Mais voilà, je fais une enquête de terrain, voilà, à quoi je dois penser, qu'est-ce que je dois faire, quelles sont les possibilités. C'est dans ce sens-là. Parce qu'il y a un souci aussi avec les guides de bonne pratique, des fois ça devient la norme, voilà. Alors que c'est pas ça, c'est qu'est-ce que je dois faire, quoi. Je suis confrontée, j'ai des possibilités en fonction aussi de mes usages, de ma discipline. Voilà. Peut-être que Pascal, tu veux ajouter quelque chose? Enfin, ce débat-là, ça me fait penser que je suis... Enfin, vous allez voir une comparaison peut-être étonnante avec le débat des années 1910 avec le cinéma. Où il y a eu quand même de forts partisans pour dire quand on projette un film, il n'y a pas besoin de nom. Parce que c'est pas... À la limite, on cite le réalisateur, mais on cite personne. Moi, maintenant, je suis frappé quand je regarde un film, surtout si je reste à la fin. Impressionnant, hein. Le coiffeur qui est signalé. Et on risque, c'est là où moi je trouve qu'on est à peu près dans le même moment, c'est que maintenant qu'on fait une ressource électronique, ce que j'ai donné un peu en disant, bah, tout, on va citer la personne qui a fait le café le matin avant qu'on appuie sur le bouton de l'ordinateur, On arrive sur des pratiques de droit nous tétanisent et on se dit qu'il faudra tout citer. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est Mme Noël qui a posé cette position. De toute façon, le droit s'adapte toujours à la société, c'est pas la société qui s'adapte au droit. Le droit, de toute façon, il évolue. En attendant des évolutions, nous, notre pratique juridique, ça doit être une prise de risque. C'est vrai que les papiers qu'on fait signer ne sont pas forcément bons, et surtout ils ne sont pas bons dans 10 ans. Au moins, ils ont le mérite d'exister. On aura besoin de demander une autorisation. Moi, je ne dis rien d'autre que ça. Je dis plutôt. D'ailleurs, Lionel Morel, il dirige notre travail. Hein, cette prise de risque, ça fait longtemps. Hein, je veux dire, si vous regardez sur le site de la FAS, on est là-dessus, sur la prise de risque des. C'est un terme, d'ailleurs, qui a été pas mal à la mode, d'ailleurs, au CNRS. Il y a eu pas mal d'ANR sur le risque. Si vous intéressez donc à ces histoires de contrats et que vous souhaitez des exemples de contrats, sur le site de la FAS, donc Lionel Le Draoulec, c'est ces contrats-là qu'on suit et qui ont évolué avec le temps. L'idée, c'est pas tant ça, parce que la prise de risque, on l'apprend. C'est de comprendre, de rester, d'être vraiment dans des critères scientifiques, contextualiser des archives, ça veut dire comprendre qui sont les acteurs. Et ça, c'est important de le faire, parce que c'est de notre ressort. Parce que sinon, en bibliothèque publique, on peut faire autrement, parce que ça va, comme je disais, pourquoi pas moi, s'ils me disent, vous voulez prendre votre conférence, parce qu'on voudrait avoir un truc un peu exotique pour nos lecteurs, pourquoi pas. Mais là, on est dans un contexte scientifique, on a besoin de citer tout le monde, de comprendre comment ça a été constitué. Et quand on liste les acteurs, d'ailleurs, on se rend bien compte que chacun a un rôle. Et pourquoi pas, et l'étudiant, même l'étudiant d'ailleurs a un rôle, parce que d'où il sort, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il étudie, tout ça, ça a du sens par rapport à l'entretien qui est mené. Donc voilà, c'est plus, et puis aussi, c'est quand même une prise de pouvoir cette histoire-là, parce que effectivement, le cinéma met le réalisateur, mais pas les autres, mais et alors les acteurs aussi, ils veulent exister. Et donc, moi, c'est ce qui m'a le plus quand je dis qu'il faut aussi se reposer. Déconstruire un peu des idées préconçues, c'est que les véritables auteurs, c'est effectivement cette société qui raconte et qui nous donne ses traditions et ses informations et ses chants et ses contes, ou ses, je sais pas, ses discours. C'est eux qui apportent, c'est eux qui sont les auteurs. Pas tant que ça, les chercheurs qui, eux, existent après avec les publications qui s'appuient sur le discours des informateurs. Donc, l'anonymisation, c'est bien, mais il faut quand même que, dans ce cadre-là, les informateurs existent aussi, quoi. C'est pas que l'œuvre du chercheur, tout ça. Donc voilà, c'est des discussions à avoir, hein. C'est pas. Et je trouve aussi que finalement, le droit, c'est. Plus on s'en sert, plus on le cite, plus on s'en occupe, ben, moins effectivement il terrorise et il fatigue. On s'en sert, on sait simplement. Et moi, je sais pas, je trouve par exemple, quand on parle de ce contrat signé, comme je le disais, tu m'envoyais un mail, mais moi j'ai pas lu en entier, je dis ouais, voilà, je fais 10 000 trucs. Mais justement, au moment où moi j'interviens, me dites, bon ben voilà, il va y avoir ça, ça va être, voilà, et je coche un truc, ça, j'autorise que ça aille en ligne, j'autorise que ça aille je ne sais où, je vais travailler avec un réseau, c'est lequel. C'est quand même aussi moi qui suis informée quand même de ma parole et ce qu'elle va devenir. Donc c'est important, moi il me semble, que tout soit situé. Après, voilà, c'est pas une... voilà, donc pour terminer là-dessus, donc en tout cas, vous êtes tous conviés à participer à ce guide de bonne pratique, qui est vraiment un travail collectif, hein, tout le monde peut s'y ajouter. Un truc par rapport à ce projet de guide de bonne pratique, il s'agit, et pour revenir à ce que tu disais, il ne s'agit absolument pas de faire un ouvrage qui fixe des règles, c'est ouais. de savoir ce qu'on fait en fonction de nos pratiques, ouais. etc. Et justement, effectivement, le droit, il y a des moments où il faut le dépasser, il y a une prise de risque, mais il faut savoir aussi jusqu'où on peut prendre éventuellement du risque, etc. Enfin, c'est vraiment, on n'est pas du tout dans l'idée de cadrer les choses, mais plutôt de savoir vraiment ce qu'on fait. Oui, et c'est pour ça que je disais, on est parti de la chaîne d'écriture, en fait, depuis la collecte. Je pense que vous le faites au bon moment, parce qu'on insiste aussi, je suis frappé, ça fait quand même 10 ans qu'on entend parler du droit et du numérique. Il y a 10 ans, en face, nos interlocuteurs juristes, c'était des gens qui ne connaissaient pas l'informatique. Qui même utilisaient un mail, c'était déjà compliqué. Maintenant, on arrive avec une génération de juristes qui sont pratiquement des natives, des numériques natives, qui commencent à percevoir les choses. Et puis après, je dirais, il y a l'effet de masse, on en parlait tout à l'heure à midi. Maintenant, dans un concert, avant, on était fouillés dans un concert sur les pages d'un des trucs. Vous regardez les photos de concert, tout le monde est là avec son portable en train d'enregistrer. Au lieu du briquet. Ce qui fait que pour les sociétés de disques, elles ne peuvent plus poursuivre. C'est vraiment des enregistrements, etc. Donc elles se retournent sur autre chose. Là, maintenant, les grosses luttes par rapport aux droits de l'artiste, c'est plus sur la duplication du concert, c'est sur le prix, pas sur le billet. Il y a toute une polémique, là, il y a 15 jours, 3 semaines, sur la revente des billets dans d'autres agences, etc. C'est vraiment le gâte-pain de l'artiste maintenant, c'est le billet pour aller assister au concert. Après que ce concert-là soit numériquement enregistré, diffusé, etc., on ne peut plus poursuivre, parce qu'on en poursuit un, mais là, il y en a 90 000 à côté qui passent. Donc là aussi, le droit s'adapte aussi aux pratiques. Plus les pratiques vont se massifier, plus la question de la minimisation, de choses comme ça, vont disparaître. Par contre, je crois qu'il est important, effectivement, et peut-être que le point de pratique est très bien pour ça, de dire que oui, mais dans un enregistrement, il y a des gens qui parlent. Ces gens qui parlent, c'est eux qui sont au centre du processus et c'est eux qui doivent être informés. Peut-être pas qu'eux doivent contrôler, mais eux doivent être informés en disant si vous êtes d'accord, vous donnez le nom, etc. Donc voilà, l'utilisation des archives scientifiques, pour nous, elle est encadrée, elle est réglementée, mais elle est toujours encouragée. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que les archives soient diffusées. Donc je vous ai listé à peu près ce qu'on... J'ai essayé de lister ce qu'on peut faire pour donc ce travail-là. Donc la contextualisation de chaque corpus, vraiment, ça c'est la règle. L'identification des différents acteurs qui va aussi nous faire comprendre mieux comprendre le corpus. La détection des éventuelles informations confidentielles, parce que comme je vous disais aussi, on peut aussi... mais tu dis, hein, on n'est pas toujours... on ne sait pas non plus ce qui va se passer, mais il y a quand même des choses, par exemple, je pense à un corpus, ce soit sur les cheminots, où le monsieur dit, il y a quand même des choses incroyables, quoi, qu'on oublie, parce que l'enquêteur se sent... Bon, là, c'était pas, en plus, on va dire, un chercheur ni un maître de conte, c'était une structure muséale qui a déposé à la phonothèque, hein, et le travail est fait par des ethnologues, et le gars dit, oui, je ne veux pas qu'on en parle, enfin, je voudrais que vous arrêtiez l'enregistrement... Et l'enregistrement n'est pas coupé. Bon, c'est rien, c'est un truc perso, quoi, de maladie. Mais vous voyez, c'est des choses comme ça. Ben, l'enregistrement, c'est la vie, c'est humain. Donc, le gars, il a peut-être cru le faire, hein, je ne sais pas. Mais en attendant, c'est très important de réécouter. Et comme je disais au début, c'est un travail gigantesque, hein, quand même, de réécouter. Mais c'est très important de le faire, parce que vous ne savez pas ce qui va pouvoir être dit comme information confidentielle. En plus, là, vous brillez complètement en mettant ce genre de choses en ligne. Hein. Et là, j'avais les droits et de l'informateur, et de l'enquêteur, et de l'institution qui déposait. J'avais tous les contrats. Hein. Donc la signature du contrat, elle est importante. La discussion, le cas échéant, avec les spécialistes du domaine, avec la mise à disposition des extraits qui peuvent poser problème. Donc ce qu'on fait en général, c'est la proposition d'une archive de communication et garder l'intégrité de l'archive qui va être conservée. L'écoute, de toute façon, c'est une écoute constante aussi avec les enquêteurs, les informateurs, les ayants droit, leurs demandes. C'est vrai que, pourquoi pas, à un moment donné, ne plus mettre en accès parce qu'il se passe quelque chose de particulier qu'on ne peut pas envisager. Et puis, ce qu'on essaye aussi de faire, c'est d'encourager. Alors, on n'a pas les moyens. Enfin, je dis, bon, moi, je suis seule hein, à la phonothèque, donc, de toute façon, je n'ai pas les moyens d'encourager tous les projets de valorisation. Mais le fait d'y participer le plus possible, et là, il y a beaucoup quand même de demandes, hein, de la part d'artistes, de la part de musées, on va dire, de la part de musiciens, de conteurs, il y a quand même vraiment beaucoup de demandes. Donc là, le plus possible, essayer d'y participer pour que voilà, la diffusion puisse se faire. Ah oui, donc d'ailleurs, je voulais qu'on voit ensemble peut-être justement de proposer une charte de qualité de l'enregistrement de terrain. Il y avait un linguiste qui avait un joli titre d'article, dessine-moi un corpus. Et puis en fait, une fois, je l'ai contacté, je ne sais pas pourquoi je l'ai rencontré, je lui ai dit, ah, mais votre article est paru, il a perdu son joli titre. Et il m'a dit non, on m'a demandé de l'enlever. C'était et son article du coup est sur la charte de qualité des enregistrements de terrain. Dites-le-moi son nom. C'est pas Charoteau. Comment? Non, ça c'est dites-moi quel corpus. Non, non, mais c'était dessine-moi un corpus et il essayait de déterminer. Il est connu. Hein, mais si on cherche dessine-moi un corpus, peut-être on le trouve. Ouais, ouais, je pense que Mais en attendant, voilà, quelle est la charte qualité de l'enregistrement de terrain? De quoi on a besoin pour pouvoir le... Pardon? Dessine-moi un bolchevique. Désolé. Mais parce qu'en fait, à l'SHS, il n'a pas déposé sous ce titre-là. Et ni publié. Mais du coup, je trouvais que c'était une jolie idée pour justement dire quelle est la charte de qualité d'un enregistrement de terrain, mais à la fois son signalement et les questions techniques, mais aussi donc ce contrat de diffusion. Mais ça, c'est effectivement, on peut pas pas savoir au départ ce qu'on a. Tout est tellement les niveaux de description sont tellement inégaux au moment des dépôts qu'on n'a jamais la totalité de ces informations. Voilà. Alors après, l'image qui suit, c'est pas si tout le monde l'a connue. Ouais, c'est vrai. Vous avez déjà cherché dans la... Je sais pas. Ouais, c'est sûr, hein. Non, mais vous savez vaguement ce que c'est quand même. Hein, vous l'avez vu dans des films. Dans Edgar Hoover, le dernier film de. Il organise ses fiches. Il y a 15 ans, il y en avait encore des fiches. Il y en a encore, il y a ça les racheter, il fonctionne encore avec des fichiers. La bibliothèque de la partie de Lyon, il y a 10 ans, il y avait encore ça. Il n'y a plus aucune bibliothèque municipale, ni BU, qui est la moindre. Il y en a peut-être encore dans les révolutionnaires. Parce qu'après, se pose un problème de lieu, parce que là, j'ai dit racheter, ils vont des fichiers comme ça, où il y a 400, 500 000 fiches. Numériser tout d'un coup, enfin, voilà, c'est... Oui, il y a eu la grosse époque de la rétroconversion de la BNF, donc du coup, il n'y a plus ces fichiers, ils ont tout rétroconverti. Les fichiers sont jamais homogènes, il y a toujours des inscriptions manuscrites. Mais en fait, c'est ce que racontait justement Pascal Pandorex. Ah oui, Pascal, il vous en a parlé. Bon, ben oui, voilà, vous êtes... Oui, alors ce que je vais vous dire, je vais aller rapidement maintenant, puisque vous avez eu la conférence de Pascal Pandorex, j'avais oublié. Mais oui, mais effectivement, comment est-ce que... On va s'y retrouver dans tous ces enregistrements sonores. On a parlé des plusieurs entrées de tous ces acteurs, mais il y a aussi le contenu. Il y a... Donc, en plus, notre fonctionnement a changé. Donc, on travaillait... C'est vrai que tout était fait pour les fiches... Tout a toujours été fait pour le livre. Et pour les archives sonores, on va dire que c'est encore récent, le fait d'accéder au contenu de ces archives sonores. Donc du coup, voilà, c'était une image que je trouvais sympa, parce que je me dis, mais comment est-ce que... je vais savoir de quoi ça parle, parce que finalement, là c'était avec nos fiches bibliographiques, on avait le catalogue auteur, on avait le catalogue mot-clé, et puis bon, on allait comme ça retrouver nos affaires. Donc à la Phonothèque, je travaille avec un guide d'analyse documentaire du son inédit, donc on a fait ça comme ça en 2001 quand on l'a publié. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on travaille de façon homogène avec d'autres centres d'archives sonores qui utilisent le même type de traitement documentaire. C'est intéressant aussi parce qu'il a été traduit en langue espagnole en 2007. Donc, on est aussi, c'est aussi un travail qui peut se faire avec des collègues à un niveau international. Donc, on a une base de données documentaires. Donc là, vous avez, qui n'est pas très, du tout ergonomique d'ailleurs, qui doit suivre les standards qui sont imposés par le service informatique de la Maison d'Éditeurs des Sciences de l'Homme, qui donc oblige à utiliser certains outils. Et donc, c'est toujours pareil. De toute façon, aujourd'hui, les outils de base de données, il faut se les trouver, quoi. Hein. C'est pas simple. Hein. Je sais pas si vous avez... vous allez utiliser quoi pour traiter ces archives sonores? Vous allez avoir un outil de gestion de base de données pour... Pour Eslo, il y a un outil qui est en construction, justement pour les corpus là, dont je parlais fin des années 60 et puis les années 2000. C'est un outil qui est... Fait sur mesure, alors. Oui, sur mesure, avec consultation en ligne, interrogation. Pardon ? En langage ouvert, par contre, sur type PHP qu'ils ont choisi. Non, ça, je pense que c'est pas tellement la question, mais c'est chaque fois... Organiser les données. Ah oui, c'est un gros... Et pourtant, il faut bien qu'on le fasse parce que si on voit toutes ces boîtes de conserve, et bien on se dit, mais qu'est-ce que c'est qu'il y a dedans, quoi? Est-ce que c'est de la nourriture pour chat? Est-ce que ce sont des haricots rouges? Est-ce que je vais être allergique à ces haricots rouges? Est-ce que c'est de l'huile de vidange? Est-ce que parfois ça, si c'est un chili con carne, est-ce qu'il y a plus de viande ou est-ce qu'il y a plus de d'huile? Enfin voilà, ce sont des questions qu'il faut que je me pose parce que voilà, je dois bien savoir quelle est la boîte que je vais prendre. Et donc fiche ou boîte, de toute façon, je dois organiser ces données pour permettre un accès. Et en plus, donc, dans un domaine où effectivement l'échange scientifique est quand même prime, surtout, enfin pour moi, puisque nous sommes dans cette idée aussi de contextualisation et de ce travail. Sur les contenus, plutôt de valoriser ça. Donc, comment est-ce que je vais pouvoir faire? Donc, je vais aller très vite là, parce que vous avez donc déjà vu ces questions de moissonnage, hein. Donc, il y a eu du bicorps, l'OAI PMH, vous savez tout ce que c'est maintenant et tout, vous parlez l'OAI et les 15 éléments de métadonnées qui sont utilisés, mais quand on les regarde, c'est quand même beaucoup du livre, quoi, hein. On dirait même qu'ils ont oublié certaines choses importantes, comme où s'est enregistrée l'enquête, où a été prise la photographie. Donc on va dire qu'on va utiliser le coverage pour ça, mais ce n'est pas du tout l'idée qu'ont eu les bibliothécaires quand ils ont créé Dublincorps. Donc vous voyez qu'on retombe encore, malgré le fait que, comme tu dis, le numérique est rentré dans les mœurs. Eh ben, je sais pas si c'est des digital natifs qui ont fait ça, mais en tout cas, c'était pas des sound natifs. Hein. Ils ont pas du tout pensé aux documents sonores. Donc voilà, c'est ça. Alors la phonothèque. Pardon. Il y a le copyright, c'est seulement un copyright, alors que justement la source sonore, on a. Oui, mais alors ça, ils peuvent être répétés. Oui, voilà. Ils peuvent être répétés, mais c'est vrai que c'est pas clair non plus, ni le lieu de dépôt par rapport à la notice. Il y a beaucoup de choses qui sont pas du tout, du tout claires. Mais bon, on va dire que c'est quand même déjà bien, et que grâce à ça, donc on a pu créer le portail du patrimoine oral, qui moissonne les archives sonores, donc c'est le portail du patrimoine oral. Ouais, c'est attaché pour faire une patrimoine orale. Donc il y a plus de 86 000 notices de documents sonores. C'est un travail que j'ai mené avec des associations, parce qu'en fait, là on revient un peu à ce qu'on a dit sur l'histoire. Les grandes collections sonores, elles ont beaucoup été créées en fait par des associations dans les années 70 qui collectaient sur le terrain. Là je parle d'enquêtes de terrain de type anthropologique ou histoire orale. Donc l'idée, donc comme on utilise aussi, c'était aussi facilité par le fait qu'on utilisait tous ce guide d'analyse dont je vous parlais, et qui a été donc, mon Dieu, j'ai mis en 2001, non, ça a été, il faudra corriger ça sur la 2011. Voilà, mais après l'OAI PMH, on disait 95, en 99, c'est le RDF, dont vous a parlé, je crois, aussi Pascal Cornerex. Donc tout ce qui est web sémantique, et qui est d'ailleurs peut-être plus intéressant pour nous, parce que on rentre plus dans la complexité de ce type de document et le croisement avec d'autres types d'archives, cette idée de web de données, qui est ça qui est plus au cœur de nos besoins. Mais à vrai dire, qu'est-ce que vous utilisez quand vous faites une recherche? Sur quoi vous tapez? Ouais. Ah ouais, c'est vrai, alors on n'a qu'une seule système de recherche. Donc voilà, hein, c'est un seul système de recherche, c'est Google. Hein. D'ailleurs, il y a une petite chanson qui Ben non, j'ai Google, vous avez vu, hein, c'est très bien. De temps en temps, on a envie de répondre à ça quand on nous pose trop de questions, parce qu'ils ont qu'à interroger Google. Mais c'est vrai qu'au début, on avait plusieurs, maintenant plus personne ne les utilise, ce truc. Bon. En ce moment, je ne sais pas si vous notez, mais vos recherches sur Google sont différentes depuis septembre. Là, vous notez pas quelque chose, un changement sur les... En premier, il y a vraiment des annonces publicitaires. C'est pas tant ça. Hein. C'est qu'on est en train de complètement modifier son système en prenant avec Google+, avec la géolocalisation. Oui. Et donc, vous vous retrouvez avec des résultats qui sont proches de votre environnement. En fait, à la fois votre environnement... Donc il y a eu récemment aussi la diffusion sur Google et les questions juridiques, enfin, le fait qu'il y ait la réutilisation de toutes vos... Je ne sais plus comment il a établi ça, mais enfin, disons que c'est la réutilisation de tout ce que... De tout ce que vous avez vu, saisi, interrogé, tous vos cookies, machin. Donc, il vous dit, si vous voulez interroger Google, et bien, de toute façon, ils vont utiliser ça pour vous aider à votre recherche. Mais du coup, il réduit complètement votre recherche. Et vous avez de plus en plus l'impression que ça correspond à ce que vous cherchez, mais vous savez de moins en moins ce que vous auriez pu trouver. Et du coup, ça devient très très compliqué là. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, donc j'ai fait archive sonore, bon, c'est pas ce que les gens interrogent sur Google, mais ce qui m'a amusé, c'est que quand même, mon petit carnet de recherche, il est 1, 2, 3, 4, 5, 5e sur en résultat. Donc quand même, on voit qu'il y a des manières de diffuser qui permettent effectivement d'être assez bien référencé. Alors bien sûr que on vous parle de métadonnées, donc... voilà, on peut faire des nuages de mots-clés sur beaucoup de choses, et les métadonnées, elles sont partout. Donc, par exemple, là, je montre des photographies qui sont en lien avec le dépôt qui a été fait sur les enquêtes orales sur les luthiers. Ça, je commence à fatiguer là. Je vais tout s'arrêter. Sur les luthiers de Mirecourt. Donc, c'est des photos justement qui étaient avec bien avec ce fond sonore et qu'on a déposé sur Al justement pour pouvoir les valoriser. Mais en fait, ce qui est sûr, c'est que, et donc du coup, publier à la fois l'article avec les archives sonores qui sont sur la base de la phonothèque, mais aussi les photos qui sont aujourd'hui sur Médial. Mais finalement, on peut se dire que ces archives, elles ne sont écoutées que si elles sont vraiment. Je mets repérer, contextualiser, j'aurais dû écrire éditorialiser. Parce que finalement, qui écoute quoi? Depuis quand vous avez cherché une information sur une base de données, là, entre vous tous qui êtes quand même là dans les sciences humaines, enfin je sais pas, peut-être que vous allez vous chercher tous les jours dans ces bases de données, je sais pas, vous en constituez, donc peut-être vous en interrogez tous les jours. C'est évident de trouver des données quand on ne connaît pas la base de données soi-même et qu'on n'est pas un spécialiste du domaine. Difficilement les données. Voilà. Donc, voilà. Et donc, c'est vrai que moi, ce dont je me rends compte là, dans les années qui en arrière, mais presque les mois, c'est que si j'ai un retour sur l'écoute de mes archives, c'est bien parce qu'elles sont éditorialisées, contextualisées, mises en rapport les unes avec les autres, à travers les carnets de recherche donc de la phonothèque. Pour nous, c'est donc phonothèque.hypothèse.org. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que du coup, il y a une conversation qui se met en place entre les archives et entre les, donc à travers les carnets d'hypothèses qui vont, eux, renvoyer vers d'autres bases de données, sans doute, hein, ou vers des publications scientifiques. Mais au moins, ces archives se mettent... Alors, j'en ai pris trois au hasard, ArchiSHS, Plosarc et le site de la FMSH à Paris. Voilà, je trouve que là, tout d'un coup, il y a une conversation scientifique qui se met en route, des chercheurs qui reviennent vers la phonothèque, non plus seulement pour déposer, mais pour écouter des archives, signaler, me demander de signaler dans un mélange ou dans un ouvrage le référencement d'un corpus en lien avec une publication. Et là, tout d'un coup, voilà, il me semble que les archives commencent à parler. Moi, justement, j'avais une question plus du côté de l'utilisateur, c'est-à-dire que là, tu as parlé justement de l'envie de diffuser et qu'il y avait dans tout ce que vous avez numérisé, Miller, qui était en ligne. Est-ce que vous avez possibilité de savoir un peu justement qui va aller les chercher, qui utilise, qui interroge? Oui, des chercheurs, mais est-ce qu'il y a justement d'autres personnes dont tu parlais des ayants droit qui des fois retrouvent Oui, bien sûr. J'ai des statistiques sur le carnet, malheureusement, j'en ai pas sur la base de données. Par contre, ce que j'ai, c'est beaucoup de retours d'internautes. Okay. Donc, des gens qui me disent voilà, j'ai interrogé votre base, je trouve ça, est-ce que je peux avoir des copies, est-ce que je peux avoir. Donc là, effectivement, ou des gens qui se déplacent, qui viennent écouter parce qu'ils ont vu la base. Donc là, effectivement, les archives commencent à être écoutées. Mais. C'est vrai que la base est interrogée parce qu'elle est référencée par Google. Donc, ils interrogent par Google, ils retrouvent les informations, ils tombent sur des notices. En général, ils ne comprennent pas. D'ailleurs, ils me disent est-ce qu'on peut acheter l'enregistrement parce qu'ils ne comprennent pas toujours d'où ça sort. C'est pour ça qu'on se dit, bon, ben, c'est quand même important que chaque fois ce soit bien explicité d'où ça sort et qu'est-ce que c'est. Parce que, après, sinon, j'ai une grosse partie, c'est mon grand-père me chanter toujours, on m'a buffiné, tu pars le soir, machin chose. Et donc, voilà, je voudrais avoir la copie. Mais bon, voilà, on n'est pas non plus dans ce type de retour-là. Et voilà, sur la conversation, c'est sur là que je voulais terminer, en faisant écouter une archive des années 50 des lavandiers espagnols qui coupent la lavande pour un peu mettre du soleil à revers du bion. Voilà, et donc c'est vrai que les conversations du repas après, les rires après la chanson, on voit aussi l'importance de cette archive et de son contexte et de son lien avec ben voilà, qui c'est qui chante et d'où ça vient. Voilà. Et donc c'est cette archive-là qu'on ne pourra pas diffuser parce qu'il n'y a, voilà, il n'y a pas les droits, parce que justement... Parce que en plus c'est une collection, c'est une copie en fait qui est faite du musée, enfin, du MNATP à la phonothèque de la MMSH, donc il faudrait demander l'autorisation, ce qui serait possible. En fait, il faudrait demander au MUCEM l'autorisation de la diffusion. Puisque donc, moi j'ai une copie de leurs archives que j'ai traitées, puisqu'ils n'ont pas les moyens de le faire. Voilà. Donc, si vous avez des questions. J'ai une question de technique par rapport au dernier extrait qu'on vient d'entendre, de 50. Je trouve que la qualité sonore est excellente. Et vous utilisez quoi comme genre d'outil pour. Nous, on ne touche pas au document sonore. Il est comme il a été enregistré par le chercheur. Donc là, vous avez 59. Hein. C'est Jean Masco, qui est financé par le Musée national des arts et formes populaires, qui donc a de l'agra. On n'a pas peut-être l'information sur. Parce qu'on a le cahier d'inventaire. Je ne sais pas si sur le cahier d'inventaire, MNATP, il note aussi les informations sur le matériel. Mais en général, les enquêtes, je vous parlais par exemple des enquêtes des années 68 sur le site de l'Orta Jacob qui traverse la Vésubie, c'est excellent, quoi, excellent. Mais c'est des ethnomusicologues qui sont centrés sur le sonogramme. Je vous prie de croire que les enquêtes que j'ai de Christian Bromberger, années 70, dans le nord de l'Iran, en Gilashi, ça a l'air passionnant. Enfin, on l'a traité, c'est passionnant, mais c'est inaudible. Inaudible, c'est insoutenable. Mais on l'a mis en ligne, hein, parce que de toute façon, c'est inaudible. Non, mais c'est super intéressant. C'est des chants en turkmène où ils imitent les animaux. Donc, je pense que quelqu'un qui va s'intéresser au contenu va... Mais souvent, j'ai des documentaristes qui viennent. Ils viennent pour... Par exemple, là, c'est l'Algérie. J'ai pas mal d'enquêtes sur l'Algérie. Donc, ils viennent, ils sont intéressés et tout. Je leur fais des copies, puis ils me disent... Mais... Pourtant, moi, ça me paraît d'une qualité excellente. Mais, non, mais ça ne passera jamais. On ne peut rien en faire. Quoi. Donc là, vraiment, c'est un problème, la question de la qualité sonore. Ouais, quand tu dis que tu fais des copies, je pense que, par exemple, c'est des bandes qui ont été numérisées. Le traitement numérique, qui se fait au même niveau. Il y a quand même une sonorisation. Non. Nous, on ne fait pas de traitement. Non. On ne fait pas de traitement. On numérise. Enfin, là, en l'occurrence, ce n'est pas nous qui avons numérisé. Là. Pour le MNATP, on a traité les documents numériques. On a fait l'analyse documentaire. Là, on parlait, c'est vrai que le souci, je crois que vous avez vu ce que c'est qu'un document inédit. Document inédit, c'est aussi où il n'y a pas de processus d'éditorialisation. Il y a des débats qu'on a avec les archives de la numérisation, par exemple des bandes, comme ça, des années 60, des enquêtes, c'est que souvent, bah, surtout avec l'époque avec les Nagra, ils ne connaissaient pas trop, donc il y a 30 secondes, voire 2 minutes de blanc, le temps que la personne Règle, etc. Voilà, vous nous coupez. Dis ça à Michel Jacobson aux Archives de France, pour eux, c'est un sacrilège de couper quelque chose du support d'origine. Bah, il peut le faire pour l'archive pour avoir une archive intègre, pourquoi pas. Pourquoi pas, mais bon, enfin nous là on considère que là, s'il y a une tondeuse à gazon qui passe pendant 10 minutes pendant que le mec téléphone, on va couper quand même. Hein, mais sinon le document reste intègre et à la limite on le documente. On va dire, voilà. C'est vrai que si on travaille. Si on coupe des choses parce qu'il y a vraiment une difficulté d'écoute, on l'a fait récemment sur un. Mais bon, on le fait. Il y a quand même une copie originale avec le bruit de la tondeuse et un produit éditorialisé. Ça dépend, sinon on documente. S'il n'y a vraiment aucun intérêt là-dedans, quoi. Je veux dire. Pas non plus. Le problème, c'est que tout garder constamment, c'est lourd, quoi. Je veux dire, si on a une tondeuse 10 minutes, c'est embêtant, quoi, parce que le fichier, il est super lourd, quoi. Mais pour celui qui étudie la tondeuse, ça peut expliquer pourquoi elle parlait d'une certaine façon. Et c'est pour ça, et c'est pour ça qu'on va le documenter. Voilà. C'est pour ça qu'on va le documenter. Il va faire des études sur le bruit des machines. Bah, il ira pas, il ira pas dans une archive anthropologique, de toute façon, pas non plus. Oui. Non, mais on peut. En fait, c'est des extrapolations, tout ça, parce que qui vient écouter. C'est... On revient sur notre question à la fin. Je veux dire, c'est qui vient écouter ces archives, qui les utilise, quel est le chercheur ici parmi nous? Est-ce que vous réutilisez les sources des autres chercheurs? C'est une démarche qui peut se faire, que vous envisagez, que vous trouvez peut-être intéressante, mais que vous n'avez pas fait quand même. Enfin, je ne sais pas, hein, je me permets de d'anticiper sur. Ça peut être un projet, et on en a. Hein. Bon, par exemple, sur la guerre d'Algérie, c'est typiquement le type d'archives qui est extrêmement réutilisé. Par les étudiants, les masters. Non, par des chercheurs aussi. Par des chercheurs aussi, des réutilisations. En plus, voilà, bon, j'ai des fonds intéressants, mais sélectifs. Parce que je n'ai aucun fonds, par exemple, de pied noir. J'ai que les fonds. Des refus civils des militaires en guerre d'Algérie, les Européens restés en Algérie indépendante, vous voyez, c'est quand même un peu particulier, et les récits de vie de Harki. Donc ça forme un beau corpus, mais c'est un corpus complètement sélectif de la guerre d'Algérie. Par contre, voilà, les deux corpus se parlent. La personne, le chercheur qui a travaillé sur les refus civils et militaires, a réécouté la totalité des 70 heures d'enregistrement de récits de vie de Harki et a trouvé évidemment des informations qui nous n'étaient pas, enfin que nous à l'indexation en plus on avait laissé passer, parce que quand on indexe on essaie vraiment de s'ouvrir à toutes les disciplines et d'essayer de retrouver tous les éléments qui vont permettre à chaque discipline de réutiliser cette archive, mais il faut une sacrée connaissance pour chaque corpus pour retrouver justement cette information sur le refus civil et militaire. Donc le chercheur, on ne fait pas la recherche à la place des chercheurs. Donc le chercheur, lui, il a réécouté cette archive et il fait parler les deux archives ensemble. Donc ça, c'est intéressant. Je me demande si à la limite, les archives, par exemple, sonores d'enregistrement de musique traditionnelle, etc., ou anciennes, qui pourraient intéresser peut-être un plus large public, justement, elles posent ce problème du fait de leur réexploitation potentielle. Enfin, Au niveau de disques ou de choses comme ça, de commercial. De toute façon, dès qu'on rentre dans la chanson, l'interprétation, oui, ça peut poser un problème. Hein. Il y a des tas d'exemples. Hein. Le lion est mort ce soir. Il y a des tas de choses de l'épilmée. Il y a eu des tas de cas juridiques qui ont été posés là-dessus. Je sais pas dire, hein, parce que en fait, aujourd'hui, le patrimonial est devenu tellement les réutilisations patrimoniales se font tous azimuts, donc c'est très difficile. Je pense qu'il faut laisser faire les choses et puis qu'après, effectivement, poser clairement les licences. Oui, c'est aussi dans votre contrat, peut-être ce qui est important de dire. Par exemple, moi, j'ai signé, lui approuvé, j'ai pas lu le contrat. Hein, mais c'est important, par exemple, pour moi, c'est important de savoir c'est entièrement libre et distribué et que tout le monde peut en faire ce qu'il veut de cette conférence, quoi. Mais après, chacun puisse avoir le choix, effectivement, de décider de ce que va devenir sa parole, puisque les paroles s'envolent et que là, on les a fixées. Je suis désolé, je vais revenir au bruit de la tondeuse, mais le statut de l'archive, par exemple, un documentaliste, un archiviste traditionnel, il reçoit un carton d'un chercheur, d'un artiste. Dans ce carton-là, il y a un cahier, et dans le cahier, il y a des pages blanches, des pages raturées, des... Oui, on les enlève pas, bien sûr. Au niveau du papier, c'est marrant parce qu'il y a cette sacralisation, même si ça nous paraît insignifiant, inutile, etc., on va garder. Il y a un donneur archiviste, surtout pas. Oui, mais c'est de l'analogique. Moi, je ne touche pas la bande analogique non plus. Je veux dire, dans ma cassette, je ne vais pas donner des coups de ciseaux au moment où il y a ma tondeuse. Hein. Mais je veux dire, par contre, dans mon cahier à page blanche, ce que je vais documenter, c'est qu'il est à page blanche. Et donc, je vais dire cahier à page blanche. Moi, c'est pareil. Sur mon fichier, je vais mettre bruit de tondeuse supprimé. Mais je ne vais pas dire page blanche arrachée. Ça n'a pas tellement de sens que cet acte physique. Je veux dire, l'archive intègre ce qui est dans la démarche de l'archive scientifique, c'est la démarche du chercheur et, par exemple, dans le cas de certains chercheurs, il y a un chercheur un peu naïvement qui m'a dit « Non, mais moi, je voudrais qu'il ne reste que l'histoire. » Donc, il voulait tout m'enlever. Donc, j'ai vraiment argumenté, mais on était sur le point de supprimer ce qu'il souhaitait qu'il soit supprimé. Enfin, je veux dire, finalement, c'est lui le chercheur. En plus, il dépose. Je veux dire, je vais pas m'interposer comme la passionnariat de l'archive et lui imposer qu'on puisse tout écouter, même sa conversation avec son mari ou je sais pas quoi. C'est pour ça qu'on n'est pas dans la démarche de l'archiviste. Moi, je travaille beaucoup avec des services d'archives, je donne beaucoup de formations dans les départements d'archives. Mais c'est vrai que c'est pas, on n'est pas dans la, comme tu disais, la sacralisation de l'archive. On est dans le rapport avec le chercheur et dans notre objectif. Ça n'est pas tant de conserver, parce que est-ce que c'est au CNRS de conserver ces documents? Moi, d'ailleurs, je travaille pour que ces, je mettais dans notre processus que ces archives soient déposées quelque part. Moi, je tiens pas du tout à avoir ce travail de conservation. Moi, je pense que ma plus-value en tant qu'ingénieur de recherche au CNRS, c'est le lien avec le chercheur, le lien avec la connaissance, la diffusion, la contextualisation, le rapport. Et après, voilà, que par contre, je suis bien sûr complètement d'accord pour que ces archives aillent à la société, retournent à la société civile qui les a, à ces anonymes qui ont été enregistrés. Mais voilà, dans un échange constant. Après, la tondeuse, voilà, bon, puis on peut la laisser aussi, hein, je veux dire, je ne suis pas de religion. Ce que tu disais, c'est que visiblement, tu as un truc analogique. Tu fais quand même un montage avec le chercheur pour avoir un produit numérique. Qui est pour moi. C'est très rare, hein. J'ai dit ça, que ça peut arriver. Parce que ce que je perçois, c'est que souvent, de plus en plus, on a des produits numériques qui sont intégraux. Et le travail de l'archive, le travail par exemple des archives sonores, c'est de prendre ça et effectivement, avec un rapport au chercheur, d'en faire un produit qui soit diffusable, écoutable, archivable, etc. Non, c'est pas du tout ça. C'est deux produits différents. C'est pas du tout ça que je dis. Hein. Moi, quand je parle d'éditorialisation, je parle uniquement des carnets de recherche. Je suis allée très vite à la fin, hein, parce que bon, vous avez eu déjà pas mal de conférences sur l'accessibilité. Moi, je voulais juste vous parler de tout ce processus, tout ce dispositif. Et dans tout ce dispositif, il y a l'archive intègre qui reste et qui est conservée et traitée. L'archive diffusée, qui peut éventuellement être effectivement cisaillée à certains endroits parce que, voilà, pour des raisons de confidentialité, d'éthique, de recherche du chercheur, pourquoi pas, on peut imaginer, ça n'est pas arrivé, mais que le chercheur dise, mais moi je veux republier ça, donc j'aimerais bien que cette partie-là ne soit pas accessible, parce que lui il veut encore travailler là-dessus. Ben, pourquoi pas, moi je le comprendrais, et à ce moment-là, on ne mettrait pas à disposition cette partie-là en ligne. Et ensuite, l'éditorialisation, elle vient à la fin. Mais moi, tout ce que je dis, c'est que tout ce travail que j'ai fait là, moi, je suis ingénieur de recherche première classe au CNRS. Je dis pas que j'ai un gros salaire, mais c'est un coût de travail gigantesque. Pour une heure de son, je passe au moins 4 heures d'analyse, si c'est pas 6 heures. Je monte des projets de financement constamment, j'ai tout le temps des gens qui travaillent, qui font des stages. On a un coût énorme. Pour combien de résultats? Je me posais la question de la consultation, je peux dire que j'en ai. J'ai environ 5, on va dire hors de la base de données pour laquelle je n'ai pas de statistiques, je réponds environ à, je crois dans mon dernier rapport d'activité, 5 réponses par jour. C'est dérisoire quand même. Enfin, c'est beaucoup, mais dérisoire. Sur ces 5 questions, j'en ai 0,5, c'est du prêt de matériel, peut-être 0,2, parce que sur la semaine, je vais avoir une demande de prêt de matériel pour de l'enquête, parce que justement, bon, c'est quand même aussi. Ce que j'essaye d'instaurer, c'est que les étudiants ou les chercheurs qui font de l'enquête de terrain, ben, je leur donne le magnéto avec le contrat. Et donc, de plus en plus, j'ai aussi des corpus qui sont déposés et qui sont déjà avec les droits de diffusion clairs. J'en ai quand même 2. Vous savez ce que c'est? C'est comment est-ce qu'on fait pour faire une archive sonore et comment je peux constituer une archive sonore? Mais là, je peux vous dire que alors, c'est régulier de venir faire une intervention pour expliquer... voilà, je l'ai refaite. Hein. Mais sinon, c'est comment je fais pour analyser un document sonore, comment je peux mettre en œuvre ce type de choses. Et alors ça, je peux vous dire que c'est comme la photo numérique, ça. Depuis que l'enregistreur numérique est sorti, ça n'arrête pas. On enregistre à tire-larigot. Alors après, je ne sais pas comment ces documents... Et puis après, vous avez des gens qui consultent. Donc quand ils consultent, ça peut être effectivement plusieurs heures, et ça c'est, voilà, c'est des gens pour lesquels effectivement on doit passer du temps, parce que il y a la consultation de l'archive, mais aussi la publication s'il y en a une, le travail de réflexion aussi, parce qu'ils vont devoir réécouter, parce que chaque fois là en ce moment il y a des gens qui viennent régulièrement pour faire une expo sur la vie du pêcheur à Marseille, pour une expo sur les voies latines. Bon ben voilà, ils viennent ils transcrivent en fait, et puis après on va faire ce montage sonore. Enfin bref, voilà, c'est un travail chaque fois différent et dans lequel on doit repartir sur ces histoires de contextualisation, d'explication, pour que tout soit cité de la bonne façon. C'est pas... Voilà, à peu près 5 par jour, ça ne veut pas dire qu'il y a 5 consultations par jour. Et qu'est-ce que vous privilégiez dans le travail d'éditorialisation de l'archive? C'est-à-dire, c'est comment? Parce qu'il y a un processus, j'imagine, pour valoriser l'archive. En fait, c'est un peu un travail intuitif qu'on a mené avec les carnets, hein, l'éditorialisation. Là, par exemple, l'exemple que je montrais sur le... sur là, c'était la mer, ce n'est pas, c'est une chose, le bateau, c'en est une autre. C'est un extrait d'enquête de pêcheurs du Brusque. Là, en ce moment, on a pas mal de travail là-dessus sur la pêche. Donc en langue provençale, souvent, ou en français. Et là, par exemple, dans le billet, c'est un conte facétieux qui est raconté. Donc ce qui est dit dans le billet, plus ou moins, c'est justement ce travail sur les titres uniformes de la littérature orale. Et donc, on fait écouter à la fois le conte facétieux qui se racontait sur un bateau brusque, mais aussi le même conte avec le numéro de la classification Harney Thompson dans les Cévennes, raconté autrement, avec en occitan. Et donc l'intérêt, c'est voilà, dans ce projet-là d'éditorialisation, l'idée c'était à quoi ça sert de travailler sur les titres uniformes dans la littérature orale qui est extrêmement volatile. Voilà. Après, ça peut être, là, le prochain billet qui va sortir, c'est justement toujours dans ses enquêtes, donc c'est une ethnologue, Anne-Hélène Dufour, qui interroge un pêcheur sur ses filets. Et qui lui dit, par exemple, donc je sais plus précisément le truc en tête, mais c'est sur plutôt la méthode d'entretien où Anne-Hélène Dufour interroge le pêcheur. Il dit alors, il y a des zones où il y a plus de poissons que d'autres, comment vous les connaissez? Et donc le pêcheur continue de travailler ses filets. Et donc c'est l'idée du silence dans l'entretien, le fait d'attendre et tout ça. Et donc après, donc justement, en fait, notre éditorialisation, c'est du silence après la question, et après la réponse, et puis le pêcheur à la fin rebondit et redit un truc sur ces lieux, mais autrement, et tout d'un coup se met à parler de cette question-là. Voilà, voilà, pour donner un exemple là qui me vient à l'esprit, mais chaque fois, c'est toujours, quand on a édité, on parlait d'Olivier Ferraud. Voilà, c'est une jeune stagiaire qui a traité ce fond, et ensuite elle a décidé de faire écouter, par contre, elle, ce qui lui avait plu dans cette enquête-là, qui est magnifique, qui donne vraiment à rêver sur Naples. Tout ça, chaque fois, c'est sur le Yémen, on a fait plusieurs billets, et entre autres, un des billets qui a été pas mal écouté, c'était le carnet de terrain enregistré de Marceau Gast, qui revenait au Yémen, qui avait été absent du Yémen pendant 3 ans, et qui dit, voilà, qui raconte, c'est vachement prenant, cet ethnologue qui raconte comment il voit le paysage, comment il s'est transformé, comment il a revu les gens dans le village. Voilà, c'est une enquête qui est complètement qui est accessible en ligne, mais dans les 5000 heures de la phonothèque, qui va aller écouter ce récit? Personne. Et là, le fait d'éditorialiser comme ça me fait ressurgir, et du coup les gens vont pouvoir écouter autrement peut-être, mais il faut arriver à la susciter, cette écoute, voilà. Merci beaucoup.